Renaud. Merci à tous de nous aider, de nous prêter main forte. Voilà, alors on est vendredi le 39 mars. Vendredi le 39 mars aujourd'hui. Toujours en direct sur la place de la République. Derrière nous, il y a un gros son aussi. Voilà, il y a une sono. Il y a une grosse sono et visiblement derrière cette sono se prépare une milonga. Voilà, la milonga qui était prévue elle aussi à 18h comme nous, mais qui est manifestement elle aussi en retard. Il y a d'autres choses qui sont prévues. J'ai photographié le panneau avec tous les trucs prévus qu'ils ont marqués. Et donc à 18h30, il y a la commission Action Précarité Chômage qui se réunit près du plan d'eau. À 19h, il y a un rassemblement d'artistes, mais je n'en sais pas plus. Il faut aller sur Facebook. L'événement s'appelle Nuit debout artiviste. À 21h30, il y a la commission féministe qui se réunit sur les marches derrière le kiosque rouge. Et puis à 21h30, il y a un atelier de média training. Voilà. Et il y a de plus en plus de gens qui s'installent en fait chaque jour, des commissions, des nouvelles personnes qui viennent sur la place. Donc on fera un petit tour tout à l'heure d'horizon des nouveaux lieux qui se créent. Oui, il y a même une librairie, j'ai vu. Voilà. Et puis apparemment, il y a une dame qui répond à toutes les questions scientifiques et on aimerait bien la rencontrer aussi. Si quelqu'un la croise, est-ce que vous pouvez lui demander de venir sous la tente de Radio Debout ? C'est une dame qui se promène avec une pancarte sur laquelle il est écrit « Science Debout » et qui répond à absolument toutes les questions. Toutes les questions. Et on en a quelques-unes à lui poser. Avis de recherche. Alors, tout de suite... Hier, on a rencontré Jean-Luc Nancy, Lise-Marie. Oui, hier, on a rencontré Jean-Luc Nancy qui passait par là. Ouais. Donc, on lui a dit asseyez-vous. Comme il n'habite pas à Paris, c'était sympa de le voir. Bon, je ne l'aurais pas reconnu, hein, je vous dis, parce que comme je ne voyais pas la tête qu'il avait et qu'il est très vieux. Mais il était accompagné de quelqu'un qui m'a dit c'est Jean-Luc Nancy. J'ai fait ah ah, ça c'est chouette alors. Ouais. Et donc, on est parti avec le petit Zoom, un petit micro, et on l'a installé sur une chaise. Et on lui a posé des questions, donc à lui, Jean-Luc Nancy. C'est la première fois que vous venez sur la place de la République, là ? Oui, c'est la première fois, parce que je ne suis pas parisien, donc je suis strasbourgeois. Et qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cet endroit, ce lieu, depuis qu'il existe ? Non, mais ce lieu m'évoque avant tout un autre lieu, un autre endroit, c'est-à-dire 68. Moi, je n'étais pas à Paris, j'étais à Strasbourg, mais je crois que peut-être que 68 à Strasbourg a eu plus de ressemblance avec ce qui se passe maintenant que peut-être ça n'avait à Paris. À Paris, on a toujours plutôt le souvenir des barricades, d'une lutte. Il y en a eu aussi, mais moins à Strasbourg. Je crois qu'à Strasbourg, à cause de la présence dans des situationnistes, il y avait d'affirmer une présence, possibilité de connexion, de contact, voilà. Est-ce que vous pouvez juste, Jean-Luc Nancy, parce que tout le monde ne vous connaît pas, est-ce que vous pouvez rappeler, juste comme ça, en quelques termes, quel est votre parcours ? Un des grands axes de ce que j'ai fait, c'est toujours repéré par le mot de communauté. Peut-être qu'on peut dire bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment une accumulation d'énergie qui se fait ? C'est-à-dire que les batteries sont en train de se charger depuis longtemps, qui se fait et qui qui trouve son exutoire, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que justement, de l'autre côté, c'est aussi la même énergie. La même énergie, elle est plutôt du côté. Alors, si on veut du politique, mais après, je reviendrai rapidement quand même là-dessus. Mais elle est du côté de. Faisons plutôt exister la cité, la société, ou une cité, ou une société, comme vivre ensemble. Comme, j'aimais bien le je ne sais plus qui avait écrit ça, la communauté qui vient. Ah, ça, c'était le titre de La Grande Veine. Ah. Oui. Et moi, j'avais écrit un livre qui s'appelle La communauté désœuvrée. Voilà. Or, tout à fait, voilà, que on j'ai peut dit. Dire qu'il y a un désœuvrement aussi. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais avec une fille qui me disait... je sais plus, à certains moments, elle me dit oui, mais enfin, de la vérité, surtout, c'est que moi, je n'ai pas très envie de travailler. Et ça ne veut pas dire du tout, c'était pas une proclamation de paresse. Non, c'était, je ne veux pas être asservi au travail. Bon, comme disait-elle, elle avait vu ses parents l'être. Ça touche tellement profond que ce n'est pas une question de politique, en tout cas pas de la politique. C'est une question que j'appellerais, moi, de civilisation. Il faut se redemander, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le politique? Si on veut dire la totalité, au fond, de l'existence commune, c'est peut-être abusif. Ou peut-être laisser la place à... Justement, il n'est pas sûr que l'art soit de part en part politique, alors au premier sens. Et du coup, l'autre danger, c'est que la politique, vous remarquez qu'en France... On a une expression absolument incroyable, c'est la politique politicienne. Et souvent, je dis, si on vous parlait, de mauvaise bouffe, si on vous parlait de cuisine cuisinière, vous diriez, c'est absurde. Non, mais c'est un peu ce qu'on fait. Politique politicienne, c'est extrêmement intriguant. Ça veut dire que la politique qui se réduit à n'être que quoi ? À n'être que... activité de gens, de politiciens, justement. Donc de spécialistes, de en fait. De spécialistes, oui. Mais les spécialistes qui sont en même temps des spécialistes de la stratégie, pour ne pas dire de la magouille. Et derrière la magouille, ça peut être même de la... alors, comment est-ce qu'on dit ? De la corruption, etc. Bon. Et oui, c'est un peu ça qu'il y a, dès qu'on dit politique politicienne. Or, peut-être qu'il y a une politique, la politique, qui pourrait ne pas être simplement politicienne. Peut-être politicien pourrait ne pas se... Bon, ça c'est peut-être la question d'être vertueux aussi en politique. Seulement, justement, je me demande si ça n'est pas en distinguant bien soigneusement, je dirais, une sphère politique, des fonctions politiques, et puis d'autre part, l'énergie, une force qui peut exiger certaines choses de la politique, mais qui peut aussi en exiger d'autres, ou en chercher d'autres dans l'art, dans l'affectivité, dans la poésie aussi. Hein ? Dans la poésie. Ah ben oui, j'ai dit l'art, bien sûr, dans la poésie, oui. Voilà, là, ça me semble être une question... Vraiment importante, oui. Oui, mais ça, c'est peut-être aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être un endroit qui échappe, en fait, toujours, et que la politique peut aussi, parfois, être prise dans des lieux qui peuvent permettre, justement, cet échappement ou cet échappé oui. Pour rassembler autrement. Parce qu'en même temps, je suis bien absolument persuadé, évidemment, que tout passe par la politique. Rien ne peut en être totalement exempt. Même l'amour le plus intime... l'amitié ou pas, même quand un couple est chez lui tout à fait seul, en fait, forcément, il est relié d'une quantité de manières sociales, psychologiques, symboliques, tout ce qu'on voit, à tout le reste de la société. Bon, je vraiment, il se passe quelque chose là, et ce quelque chose, je dirais, il est plus profond que toute lutte politique, ça c'est sûr. Et justement, donc, il ouvre la question de sous quel mot faut-il penser, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de mots, faut-il penser ce qui déborde la politique, en tout cas. Bon. Merci Jean-Luc Nancy, merci beaucoup. Bonsoir, toujours en direct de la place de la République à Paris sur Radio Debout. Nous espérons que vous êtes nombreux à nous écouter et nombreuses et nombreux. Voilà, donc oui. Nous venons d'écouter Il y a eu un petit problème technique apparemment pendant Jean-Luc Nancy. L'antenne s'est interrompue, on en est désolé. On espère que c'est un moment où il disait pas grand chose, mais en même temps il disait beaucoup de trucs intéressants. Je me demande si c'était pas au moment où il parlait de 68 et où il disait qu'il essayait de savoir en quoi c'était semblable et en quoi c'était différent de 68. Et d'ailleurs c'était pas mal d'entendre ce monsieur dire ça et parler de ça. Voilà. Oui, parce que Lise Marie, c'est toi qui l'as interviewé du coup hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Il a parlé de quoi exactement? Beaucoup, j'imagine. Oui. Alors, il a parlé. Les gens qui ont écouté ont entendu. Il a parlé de la raison pour laquelle il était là, qu'est-ce que ça lui faisait d'être ici. Moi, j'avais envie de lui parler de la communauté. Qu'est-ce que c'était pour lui la représentation de la communauté? Comme il a écrit un livre qui s'appelle La communauté désœuvrée. Et que bon, moi je pensais à La communauté qui vient, qui est un autre bouquin de Giorgio Agamben. Après, j'avais envie de lui poser la question sur le politique et la politique, la différence entre l'article le et la, le féminin et le masculin, de la manière dont on place le politique et la politique, dont parle Rancière avant toute chose, mais. Donc j'avais envie de questionner là-dessus. Alors lui, c'est pas exactement le même, il n'a pas le même point de vue par rapport à ça. Donc il a lui défendu son point de vue. Je pense qu'il se retrouve pas complètement dans la parole, enfin en tout cas de ce que j'ai entendu dans la parole de Rancière, où Rancière parle plutôt de la politique, du politique par rapport à la police, et que lui il se situe pas à cet endroit-là, et que lui il est plutôt en train de chercher cette communauté aussi par le politique, et que pour lui le politique il est partout, il est dans l'art, il est dans l'amour, il est dans le lien, là. En fait, il est là sur la place de la République, en fait, en permanence, depuis qu'elle est là. Enfin, même avant que nous, on soit là, il y avait déjà ça sur la place de la République, parce que c'est un lieu, depuis qu'ils en ont fait un lieu où on peut circuler, où il n'y a pas de bagnole, c'est vrai que c'est devenu un lieu où il y a plein de gens qui circulent, qui viennent, qui se retrouvent, qui font du skate, qui gardent leur voiture. Parce que c'est vraiment grâce à eux et grâce à ce qu'ils ont fait de cette place qu'on peut faire ça maintenant et que ça devient une espèce d'agora permanente. On pourrait imaginer que dans toutes les villes, il y aurait une place de la République et puis qu'il se passerait ça dessus constamment, à demeure. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai croisé un autre vieux. Et donc à qui j'ai demandé, et vous, est-ce que ça vous fait penser à 68? Et il disait non. Dans un premier temps, il a dit c'est très différent parce qu'en 68, tout était décentralisé. Les choses se passaient pas en un lieu précis, mais partout, d'une part partout en France, mais aussi partout dans Paris. On faisait des petits groupes un peu partout, plutôt qu'une grande assemblée. Puis ensuite, il a réfléchi un petit peu et il a continué à parler. Et à la fin, il disait c'est exactement comme en 68 en fait. Il n'y a aucune différence. Et c'est ça qui est formidable en fait, c'est que tout le monde se retrouve ici sur cette place, et ça fait des jours en fait que tout le monde se retrouve. Et alors d'ailleurs, moi je voulais passer un petit message à Robert Dupuis qui est en Ardèche et qui nous a écrit et qui nous écoute. Et donc je voulais dire bonsoir Robert, merci de nous écouter, c'est vraiment super. Je voulais aussi dire un grand bonjour à des gens de Vancouver qui nous écoutent depuis Vancouver, ça aussi c'est cool. Les gens en Italie aussi, il y a plein de monde en Italie qui nous écoute et en Espagne. Et ça commence à de plus en plus prendre de l'ampleur, pas seulement la parole de Radio Debout, mais ce mouvement. Et on espère qu'en fait ce mouvement va continuer, va grandir de plus en plus et que la parole pourra de plus en plus se libérer. Je pense que c'est ça qui est important parce que là devant nous, je vois, pour ouvrir un peu la table, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des gens qui nous écoutent. Alors ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que les gens qui sont devant nous ne peuvent pas véritablement entendre ce qu'on dit. Vous nous entendez très bien. Par contre, les gens qui sont autour de nous sont obligés de tendre l'oreille. Donc on fait un appel à dons de haut-parleurs, sonorisation, voilà, pour que tout le monde puisse nous écouter sur Radio Debout, pour avoir un retour. Voilà, parce que ces gens qui sont formidables, je suis sûre que ces gens ont des choses à dire, je suis sûre que ces gens sur la place de la République ne sont pas là par hasard, ça c'est clair. Ensuite, je voulais aussi vous donner des nouvelles du lampadaire. Voilà, du lampadaire qui, figurez-vous, alors j'en profite pour en parler à nos amis qui sont devant nous aussi, qui s'est effondré. Il s'avère, le premier soir où nous étions là avec Radio Debout, c'était quand? Quand est-ce qu'on était là le premier soir? C'était mercredi soir. mercredi soir, il a énormément plu. Et en fait, le lampadaire s'est effondré sous le poids des bâches. Et donc, voilà, a été retenu, figurez-vous, par les pompiers. Et ensuite, il y a un service de voirie qui nous a illuminé toute la soirée. Et là, ce lampadaire, qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste le socle. Et je pense qu'il reste le socle et que nous sommes le socle de tout ça aujourd'hui et qu'il faut que la République s'élève, il faut que tout le monde à Radio Debout s'élève sur ce socle-là et que les paroles s'élèvent sur le socle. Donc c'est notre symbole, je décrète là devant vous ce soir, tous les gens de Radio Debout, vous les gens qui êtes devant moi, que ce lampadaire est notre ami. On va lui donner peut-être un prénom à un moment donné dans la soirée. Ouais, ou pas Camille, en tout cas, voilà. Camille, il pourrait s'appeler Camille. Bon, alors il sert aussi de repose-bière. Hier, c'était le cas. De repose-coca. Il est très pratique. Pour poser divers objets. Il ressemble aussi un peu à une souche, je trouve. Oui, c'est ça, comme un arbre. Parfaitement symétrique. Et j'ai également pensé à une cloche. Voilà. À une ? Une cloche. Une cloche, exactement. Une cloche de Pâques. Une cloche de Pâques. On pourrait essayer d'ailleurs de faire du son avec ce lampadaire, voir qu'est-ce que ça donne de taper dessus pour vous le matérialiser à l'antenne, parce que là les gens le voient. Alors je vais le faire d'ailleurs, je vais essayer de faire ça, je passe le micro, le relais aux amis et je vais essayer de faire sonner le lampadaire. Et en attendant, puisqu'on parle de faire du son et puisqu'on parle de décentralisation et de choses qui se passent en même temps à différents endroits, eh bien on serait content de recevoir des sons que vous auriez fait, des petits reportages, des petites vignettes, des petites bulles, des petits n'importe quoi que vous auriez fabriqué, que vous pourriez envoyer à Radio Debout, qui les diffusera ou pas, de manière à ce que ça vive et que ce soit plus dynamique et qu'on parle moins longtemps. Et vous pouvez les envoyer sur l'adresse mail de Radio Debout, je présume. Ah, attention. Tout à fait, alors il s'agit de radiodebout@gmail.com, voilà. On écoute la souche. Alors attention. Ah ouais. Donc il est creux. Ouais, il semblerait qu'il n'y a rien dedans, ouais. En quoi il est différent d'une souche ? Donc la théorie de la cloche était en quelque sorte la meilleure. Oui, c'est vrai qu'avant, il y avait une église ici, mais personne ne le sait. Alors, pour continuer sur les ateliers, reportages et tout ça, mais c'est bien ces temps, parce que comme ça vous laisse réfléchir aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a toujours quelque chose dans le creux. Alors, pour dire aussi que demain, on se disait, peut-être ce serait sympa de faire un rassemblement pour essayer de faire un petit atelier d'écriture. Donc bon, il y a la grosse manif de demain, hein, bien sûr, qui part de la République et qui va jusqu'à Nation. Donc elle part à 14h d'ici. Donc bon, pour tous les gens qui veulent aller marcher, c'est chouette. Mais on peut faire peut-être un rassemblement fin d'après-midi vers 17h sur la place de la République. Je serai avec un blouson de bleu, non, plein de bleu de couleur, avec Radio Debout, et de récolter comme ça autour de l'écriture des paroles qui pourront après être dites à la radio, soit par ceux qui les ont écrites, soit par d'autres personnes qui auraient envie de les partager. Voilà. Et donc, maintenant, je propose que la chaîne n'a toujours pas commencé encore. Ils sont encore en train de faire des tests, il me semble, de sonorisation. Donc, on va sûrement passer à présent. Je regarde mes compagnons de la technique. Est-ce que c'est bon si on passe sur le son de Karim ? On peut y aller. On peut y aller, c'est on Karim y va. C'est Karim qui nous a envoyé un son sur Ciné Paris 8. Ils font quoi ? Ils essaient d'allumer le générateur. Générateur pour faire quoi ? Pour projeter des films. Ah. Enfin, pour mettre du jus pour l'ordinateur et le projecteur. Et vous allez projeter quoi ? Des ciné-tracks réalisés par les élèves de Paris 8, le cinéma, et des documentaires courts-métrages. Des courts-métrages documentaires, plutôt. D'accord. Il paraît que vous avez passé un film qui s'appelle « On ira à Neuilly, Inch'Allah ». Ouais. Bon, il a pas démarré hein, encore. Non, mais parce qu'en fait, il est vraiment en très mauvais état. C'est la démerde. Tu parles du copain ou tu parles du... Je parle des deux. Non, mais regarde-moi, regarde comme il me tire ça, c'est pas possible. Faut plus de nerfs. Ah, il était pas bon. Ah ouais, d'accord. Il était pas allumé. Ouais, attention, ça va y aller. Ça y est, il va démarrer. Attention, madame. C'est pour votre santé, hein. C'est toi qui a initié Wouh cette... ça y est ouais. Boum, boum, boum, boum, boum. Ouais. Yes. C'est toi qui a initié cette idée de projeter des films. est-ce que c'est moi qui ai initié? Non, je pense que tout le monde a initié plus ou moins ça, et juste je me suis un peu occupée de faire de la logistique, quoi. Mais tout le monde a envie de voir des films engagés ici ce soir. Ah. Et tous les autres soirs. Alors comment vous faites les tri des films alors? Un film engagé, c'est quoi? En fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi. Un film engagé, pour moi, c'est un film qui raconte un combat qui peut toucher beaucoup d'autres gens. Voilà. Et là, par exemple, on a passé Comme des Lions avant-hier, mardi. Et tu vois, moi, je suis pas du tout ouvrière, je viens pas d'une famille d'ouvriers, et j'ai vu ce film. Et ça m'a touchée de façon incroyable, parce que c'est un combat qui est tellement fort qui, en fait, il émancipe les gens qui le font. Du coup, toi, quand tu le vois, tu te dis putain, ils se sont battus et ils ont même s'ils n'ont pas gagné, ils se sont révélés à eux-mêmes et ils sont voilà, ils sont devenus ce qu'ils devaient être, quoi. Et donc, ça veut dire que ce truc-là, là, de donner, c'est un peu donner la pêche aux gens en regardant les films? Bah, pas seulement, c'est donner la pêche parce qu'on aime tous le cinéma, mais c'est aussi raconter une histoire qui n'est pas l'histoire qu'on a l'habitude de voir. C'est raconter une autre histoire, une histoire qui peut-être nous parle plus, nous touche plus. Voilà, c'est juste raconter autre chose et montrer qu'il y a des choses qui se passent. Qui ne sont pas sur les médias mainstream, qui ne vont pas passer dans les grands cinémas UGC Cinécité, et qui pourtant existent et qui sont qui montrent des histoires de gens qui sont comme nous, quoi. D'accord. Toi, en étant ici, tu luttes? Je lutte, oui. Bah oui, c'est un mot qui est vachement utilisé, mais donc je sais pas trop si je lutte. Moi, c'est pas du tout un mot qui est dans mon vocabulaire d'habitude, mais pourquoi pas, ouais, je sais pas. Il peut venir, ouais, je le laisse rentrer pour l'instant, ça va. S'il n'est pas sympa, je le fous à la porte. Depuis que vous avez eu cette idée de projeter des films, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné Le monde, je trouve qu'il y a un monde. Ça fait une semaine, donc c'est pas très vieux, mais il y a quand même énormément de monde depuis une semaine qui dort pas, quoi. Enfin, tu vois, qui reste ici, même tard. Donc ça, ouais, c'est étonnant, mais surtout, c'est une bonne surprise. C'est étonnant, mais bien, on est content. Alors, l'idée, c'est de projeter des films entre quelle heure et quelle heure? Est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous? Comment ça se passe pour avoir l'information des prochaines projections? Oui, alors du coup, les projections, ça se fait un petit peu au jour le jour. On a beaucoup de gens qui nous ont contactés ou qu'on a, nous, essayé de contacter. Comment ça se passe? Si les gens veulent projeter un film, ils peuvent venir vers la commission animation qui s'occupe de ça, nous contacter, Sarah, référente sur les films, sur les projections. Et voilà, et on essaye de mettre ça en place rapidement avec les moyens du bord, le générateur qui marche pas, tout ça. Mais s'il y a des gens qui ont du matériel, qui sont dans le cinéma ou quoi, qu'ils n'hésitent pas aussi à le déposer à l'accueil, à la logistique. Parce que là, on a un écran, par exemple, qu'on nous a donné, donc c'est trop cool, mais il est pas top. Et voilà, si on peut en avoir un mieux, par exemple, ce serait pas mal. Et vous avez besoin de quoi d'autre? Tant qu'à faire, on va faire une petite liste. Bah ouais, un écran, des rallonges, des câbles de sono, le générateur, ça va. De quoi d'autre? Une table, enfin des tables, ramenez des tables si vous avez du mobilier, c'est toujours utile. Et des films quoi. Et invitez vos copains à voir les films, votre maman, votre papa, la grand-mère et toute la famille et tous les copains. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de programme fait ou sinon il est fait au jour le jour. Donc on vient, c'est un peu la surprise. C'est ça. Après on essaye d'annoncer au plus tôt, c'est pas facile, mais on essaye d'annoncer le plus tôt possible dans la journée. On transmet à l'accueil et puis à la communication qui eux font des annonces à droite à gauche. Mais oui, c'est un petit peu la surprise au jour le jour. Si on a un film qui est un gros événement, comme par exemple Comme des Lions, là c'est un film qui est en salle, qui a eu sa petite notoriété, on en parle à l'avance. Là on l'avait annoncé l'avant-veille, je crois, là on a peut-être un film qui a eu une grosse notoriété aussi sur un combat, une lutte très très forte qui va peut-être passer dimanche. C'est l'Élipe. Ah, voilà, c'est le film sur l'Élipe. Bon, on n'est pas sûr encore, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire ce dimanche soir. Parce que vous le faites dans le cadre avec les autorisations nécessaires des producteurs, des réalisateurs. Mais oui, mais ils sont tellement gentils qu'ils nous les filent, en fait. C'est comme Anna, tu vois, ils s'en foutent, ils nous les filent. C'est comme toi, tu vas nous filer tes films et puis on va pas payer un copain. Non, il est hors de question de faire payer quoi que ce soit ici. Déjà, la bouffe, elle est à prix libre. Donc ouais, bah pas... voilà. Voilà. Bon, écoute, eh bien moi, je vais terminer, je vais continuer mon petit tour. Mais t'as pas du matos? Un écran? Non. Non. Bon, eh bien on cherche toujours un écran alors. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Je prends l'antenne et je... Et on... Bonsoir, toujours en direct de Radio Debout sur la place de la République. Vous venez d'entendre un jingle de Romain. Et alors ce soir, pendant toute la soirée, le défi, c'est de faire entendre les jingles de Romain et Thomas. Voilà, merci beaucoup à Romain et Thomas qui nous ont fait des petits jingles, qui nous les ont envoyés. D'ailleurs, si vous souhaitez nous envoyer des sons, des jingles, des petits reportages, n'hésitez pas. Envoyez-nous sur radiodebout@gmail.com. Nous sommes preneurs, bien sûr, des... Pardon, j'en perds ma voix. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire des reportages. L'AG a commencé, mais nous sommes avec Asna et Lise Marie, et donc qui vont nous parler de ce qui se passe actuellement à Stalingrad. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Asna. Bonsoir monsieur et dame. C'est bon, ben voilà, c'est par rapport aux réfugiés. Donc hier, ils sont déjà venus camper ici à Nuit Debout. Et ce qu'il y a, c'est que il y a eu quelques éléments un peu éméchés, donc ils ont vu des bagarres devant eux, et eux ils boivent pas quoi, et donc ils étaient un peu choqués, et déjà ils viennent d'une situation, un vécu assez lourd, et puis voilà. Donc ça fait qu'ils ont pris la décision de partir d'ici, et il faut dire qu'on ne s'est pas beaucoup occupé d'eux. Je parle de Nuit Debout, hein, parce que il y avait des soirées où on a atteint presque les 5000 personnes. Donc il y a ce côté ça aussi, qu'ils étaient, se sont sentis délaissés. Donc voilà, ils sont partis à Stalingrad. Et à Stalingrad, on a reçu des messages où on était hier à participer à l'AG. Et on a reçu des alertes comme quoi à Stalingrad, il y a la police qui les a encerclés pour procéder à une évacuation rafle, parce que c'est ce qui s'est passé il y a une semaine, et ils ont fini en centre de rétention, peut-être voire expulsés, parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de ceux qui ont subi cette rafle il y a une semaine. Donc voilà. J'ai aussi, on a soutenu, il a campé, c'est un migrant tunisien, il a campé avec nous à Pajol, et hier il a été emmené à l'aéroport de Roissy. On a reçu une alerte d'un pote à lui qui partageait sa cellule ou sa chambre en centre de rétention. C'est lui qui nous a prévenu comme quoi il a été conduit à Roissy à 5h30 du matin. Oui, c'est aussitôt, à 5h30 du matin, on conduit à l'aéroport. Voilà, pour subir la machine à expulser. Et on a été là-bas à l'aéroport, c'est pareil. Il y a plein de luttes, plein de collectifs. Hidalgo qui déclenche des nuits de débat. On a été faire une action à Saint-Eustache. Voilà. Madame, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune réaction de sa part. Si pour trouver le moyen de faire de la récupération, alors que de l'autre côté, elle envoie ses sbires, chiens, pour réprimer cette humanité. Et les conséquences, c'est les guerres, c'est les armes et c'est l'impérialisme colonial. Et j'assume mes mots. J'en subirai les conséquences. Excusez-moi d'être insolente, mais je m'en tape. Non, mais sur Radio Debout, il n'y a pas de conséquences, il n'y a que de la parole libre. Voilà. Et je pense que le message est passé, et ô combien passé, voilà. là ce Donc, soir. Donc, ceci dit, ce migrant tunisien, on l'a forcé à monter dans l'avion. On a attendu le temps qui passe en douane et tout, on l'a même pas vu. Voilà, je sais pas par quelle porte on l'a fait passer, peut-être en zone d'attente à Roissy, j'en sais rien. En tout cas, on n'a pas eu l'occasion de le voir, ne serait-ce que de lui dire au revoir, rien. On a essayé de le joindre sur son numéro, sur son portable, silence radio. Et donc vers les coups de 15h, 16h, on a entendu, il a appelé son pote en centre de rétention à Joinville, Vincennes, Et c'est comme ça qu'il a appris qu'il a été expulsé direction la Tunisie. Voilà. Pour ce qui est des réfugiés de Stalingrad hier, donc on a reçu une alerte en nous disant qu'ils étaient encerclés. Donc ça fait qu'on a interrompu l'AG et on a passé un message comme quoi il faut venir soutenir à Stalingrad. Et on a été, où il y avait à peu près 300-400 personnes, mais à mes yeux, ce n'était pas assez suffisant parce que l'AG, il y avait à peu près 4000-5000 personnes ici. Il n'y avait même pas le quart. Donc j'espère que ça va réveiller les consciences et que qu'on soit l'humanité. Pour la dignité humaine, soyons l'humanité. J'ai plus rien à rajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci Asna. Françoise, qui était aussi hier et puis à d'autres moments à Stalingrad, tu peux nous dire aussi un petit mot et tes impressions. Et toi, quelle est ton implication aussi? Moi, je suis pas dans un collectif, hein, mais je suis sur le mouvement depuis le mois de juin dernier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça stagne pas mal la situation à Stalingrad. C'est-à-dire que on est dans un espèce de, en fait, à chaque fois, c'est donc des campements qui s'installent. S'il y a suffisamment de monde, alors, et que le campement est stable, alors il y a une évacuation en bon uniforme entre guillemets qui leur permet, a priori, d'aller dans des logements décents. Un peu plus longtemps qu'une ou deux nuits, mais la plupart du temps, c'est des expulsions. Et donc, c'est bien le problème, c'est tout le problème. C'est pour ça qu'en fait, à Stalingrad, ce qu'a dit Asna, c'est ça, c'est qu'en fait, on aurait besoin de relais des gens de République. Parce qu'en fait, hier soir, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une discussion avec eux quand les gens de République sont montés pour soutenir quand les CRS étaient autour, en leur disant, là, il se passe quelque chose à République, qui est quand même un mouvement citoyen... dont on n'a pas idée pour l'instant de où ça peut aller, mais il y a peut-être justement des ouvertures possibles, et donc il y a peut-être plus de monde pour les protéger. La chose est qu'eux, ils sont déjà venus, apparemment ils ne se sont pas sentis soutenus, ils ont eu l'impression que c'était des discussions de Français sur leurs propres problèmes, leurs propres, voilà, ils n'ont pas trouvé leur place, et donc le matin, ils se sont fait expulser par les CRS, ils ont dû partir. Donc ils nous ont dit « non, nous on veut rester ici ». Finalement, parce qu'ils se sentent complètement perdus à République. Alors là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit stand qui s'est installé, qui récupère des dons. Donc c'est déjà une première chose pour ne serait-ce que des matelas, des couvertures, des duvets, parce qu'ils ont besoin de ça. C'est vraiment des gens fraîchement arrivés. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas en fait encore commencé leur procédure de droit d'asile. Tout est à refaire à chaque fois, parce que à chaque expulsion, il faut savoir que les CRS, ils emmènent tout le matos, et donc à chaque fois, il faut tout recommencer. Et donc il y a des soutiens qui sont le collectif La Chapelle, le BAM, il y a d'autres associations, des citoyens aussi indépendants qui viennent, mais on n'est pas assez nombreux. Et donc ce qui serait bien, on s'est dit hier, ce serait de créer une commission réfugiés de République qui ferait un pont, parce que c'est aussi intéressant que ça se déploie dans la ville, je veux dire qu'il y ait plusieurs zones. Les réfugiés, ils ont besoin de leur endroit, ce qui est peut-être compréhensible parce qu'eux, ils sont très fragilisés, mais par contre, qu'il y ait vraiment un relais. Donc on donc demande... Vous êtes aussi venu aujourd'hui, entre autres, toi, avec d'autres personnes, pour mettre en place cette commission. Pour essayer de voir comment à l'AG, on peut essayer d'en parler et voir comment ça peut se mettre en place. Voilà, ouais. Ok. Concrètement, là, les prochains rendez-vous pour les personnes qui veulent se rendre utiles à cet endroit-là, vous allez vous réunir. Alors ça, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il y a vraiment des difficultés d'organisation. C'est ça qu'il faut savoir, parce qu'en fait, il y a plein d'associations différentes. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de rendez-vous, malheureusement. C'est du passage, il faut venir spontanément. Il faut venir spontanément. Spontanément, de ramener des affaires à manger. À quel endroit? Passer voir à Stalingrad, sous le métro Stalingrad. Sous vous allez voir, il y a des grilles, parce qu'ils ont été plusieurs fois expulsés, donc ils ont mis des grilles. Mais si on avance un peu vers entre Stalingrad et La Chapelle, on les trouve. Et sur le type d'objets à ramener? Duvet, couverture, nourriture, et puis de la présence physique, parce qu'en fait, c'est le matin, généralement, entre 5h et 9h du matin, que potentiellement les flics débarquent pour une expulsion. Il faut être là pour faire front. Donc c'est pas mal, ouais. Après, c'est bien d'aller voir du côté sur Facebook, il y a le collectif La Chapelle Debout, il y a le BAM, qui ont beaucoup d'annonces régulières, voilà. Mais ce qui serait bien, c'est que ça s'organise sur le terrain. Parce qu'au bout d'un moment, les réseaux sociaux, tout ça, enfin, c'est. Enfin, voilà, là, il y a vraiment un truc de. D'humain à humain aussi, ouais, de rencontres, de paroles, voilà. D'ici à là-bas, voilà. Et aussi et dans donc, d'autres aussi lieux. Il y a aussi une jeune fille, Claire, je vais essayer de la trouver. Je ne sais pas si vous restez sur le thème des réfugiés là. On mais est sur. Aussi, c'est des rencontres aussi qui font que. Elle a envie d'essayer de faire venir les. Les bourgeois parisiens, les intéressés via de l'art, de l'art avec les réfugiés, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais elle a envie de créer un espace convivial pour essayer de faire en sorte que les gens ne disent pas. Parce que c'est vrai que ça, c'est pas très joyeux, quoi. C'est des cartons au sol, des duvets, ça pue un peu la pisse. Enfin, voilà, mais bon, en fait, les gens qu'on a certainement le plus besoin, c'est eux. Ils ont rien matériellement. Ici, nous, on mange, on dort chez nous. Enfin, ça, voilà. C'est sûr. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci Françoise, et on suivra ça aussi de près demain, voir où ça en est et comment vous avez avancé, vous, de votre côté. Ouvrier vivant, tu es mort. Non, je suis vivant. Tu n'es pas né, je suis né. Tu es mort et absent. Non, je suis là et vivant. Tu n'existes pas, j'existe. Tu n'es pas là, je suis là. Tu ne travailles pas, je travaille. Tu ne lèves pas les poutres, je lève les poutres. Tu ne dors pas, je dors. Tu ne manges pas, je mange. Je te ferai disparaître, je ne peux pas disparaître. Tu n'as jamais été là, j'étais là. Tu ne marchais pas, j'allais au chantier tous les matins. Tu t'en vas, je ne m'en vais pas. Tu es mort, je suis vivant. Tu es vieux, je suis jeune. Tu es vieux et triste, je suis jeune et joyeux. Tu ne vas pas au travail, je vais au travail. Il n'y a plus de travail, il y a encore du travail. Il n'y a plus d'espoir, je suis l'espoir. Il n'y a plus de force, j'ai des forces. Il n'y a plus de volonté, j'ai de la volonté. Tu partiras, je resterai. Tu n'as plus le droit de marcher, je marche. Tu n'as plus le droit de parler, je parle. Tu n'as plus le droit de chanter, je chante. Tu n'as plus le droit de lever les yeux, je lève les yeux et je regarde. Tu as traversé la rue en dehors du passage pour piétons. Je n'ai pas traversé la rue. Je suis restée sur le même trottoir pendant toute la durée de mon chemin. Je n'ai pas traversé. Tu ne chemineras plus, je cheminerai. Tu ne sais pas, je sais. Je suis la vie, je suis la vitalité, la vie vivante, l'énergie nouvelle, la nouveauté, le sang frais, la jeunesse du pays, la force vitale, la jeunesse au travail, l'espoir au travail, le chantier ouvert, l'ouverture vers l'avenir, le corps à l'œuvre, le nouveau départ, le travail de la naissance, la souplesse tendue, la force du travail, les rires des vies, la prouesse, la construction, l'élan, les combats, le courage, les œuvres, les nouveaux hommes, la montée en vigueur, la poussée, la production, le germe, le monde à venir. Le droit ne couvre pas le monde. Le monde déborde de ce que le droit enjeu articule jusqu'à l'absurde. Le droit n'est pas clair avec le droit. Le droit trouve des règles pour se retrouver devant une impasse et ne pas pouvoir passer dans les trous du droit. Dans les trous du droit. Dans les trous du droit. Le droit a des trous qui ne voient pas l'homme vivant. Le droit oublie. Le droit ne voit pas. Le droit apporte. Le droit apporte des collections de papiers couverts, mensongers, les institutions, des administrations. J'amène mes fiches de paye. J'amène ma déclaration d'impôt. J'amène mon courrier et mes quittances de loyer. J'amène le papier qui prouve que j'ai été détenu. J'amène le visa de 6 mois. J'amène mon passeport. J'amène mon acte de naissance. J'amène la convocation. J'amène la facture d'un dépôt de dossier auprès de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides. J'amène 3 relevés de notes de mes études anciennes. J'amène 1 certificat médico-légal de l'hôpital de Lyon. J'amène la décision de rejet de l'OFPRA. J'amène 1 certificat de mariage. J'amène 1 attestation d'hébergement. J'amène les enveloppes du courrier que j'ai reçu à mon domicile depuis des années. Je dois faire la preuve que je suis là pour démontrer que je suis un clandestin. Je suis un homme caché qui doit montrer tous les papiers du travail non cachés, faits depuis des années pour rester caché. Je montre que je n'étais pas là pendant tout le temps où je payais mes impôts, ici, en travaillant ici. Je dois démontrer que j'ai été détenu pendant 2 ans dans un pénitencier secret. Je dois montrer que je n'étais pas là, mais que je payais mes impôts. Je ne dois pas ne pas être là. Je dois montrer que je suis là. Parce que je ne dois pas être là. Je dois me montrer pour prouver que je suis un véritable clandestin, irrégulier. Je dois me montrer sûr de mon dossier de preuves qui prouve que je suis un véritable clandestin, un travailleur qui est bien resté longtemps caché dans le pays, qui n'en sort pas, qui n'en est jamais sorti, qui était très bien caché. Je ne dois pas être là, mais il me faut ne pas être là pendant plus de 10 ans et prouver que j'étais bien l'ouvrier qui n'existait pas. Pendant 10 ans, je suis l'interdit. Il m'est interdit d'être là. Je suis le dissimulé qui réclame le d'être vu. Je suis un clandestin inexistant, ayant payé ses impôts pour son travail clandestin. Je suis le caché prouvé, que je prouve que j'étais bien caché pendant 10 ans, que pendant 10 ans, on ne me trouvait pas et que je travaillais légalement. Je dois prouver que je suis un des meilleurs clandestins, un des meilleurs hommes cachés, montrer combien je me cachais bien et que je travaillais visiblement, légalement, honnêtement. Prouver combien il est difficile de se cacher tout en travaillant légalement. Je dois faire preuve d'un don de dissimulation, de clandestin, inscrit auprès des services fiscaux. Je dois prouver et démontrer que je suis bien entré dans le pays par une voie irrégulière, de façon clandestine, par des chemins détournés, que je suis resté de façon irrégulière longtemps. Je dois prouver que je suis vivant. Les vivants gagneront sur les morts. Les ouvriers vivants grandiront la mort. Extrait Christophe Tarkos. Merci beaucoup, Lise Marie. C'était super. Voilà. Je passe le relais à Alexandre. Eh ben écoutez, on va écouter un petit son. En fait, comme on vous l'a raconté hier plusieurs fois, on est un peu installé dans un coin de la place. Il y a énormément de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de monde encore, mais beaucoup, beaucoup plus de monde que les autres jours. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on envoie des reporters aller voir un petit peu tout le monde à droite à gauche, poser des questions. Et là, c'est Laurent qui vient de nous ramener quelque chose. On l'envoie. Est-ce que vous attendez à quelque chose? Est-ce que vous espérez quelque chose ce soir? En tout cas, il y a quelque chose qui était déjà inespérable et qui a lieu. C'est l'échange. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde chaque soir et de plus en plus. Chaque soir, il y a de plus en plus de monde. Donc, c'est déjà un signe très positif. Il y a, ça sent 68 quand même par moment. Radio Debout, alors là on est face à une personne sur le bord de la place. Qu'est-ce que, d'après vous, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors elle raconte en gros l'histoire, si on peut dire, de la distinction entre les riches et les pauvres à travers l'histoire. Bon, moi j'ai commencé au 14e siècle, là on en est au 19e. Alors elle est un peu à genoux assise, elle a un joli foulard dans les cheveux de couleur, on dirait un peu... une bohémienne de loin. Et voilà, elle est à l'aise, elle prend la parole. C'est bien de voir des gens comme ça qui prennent la parole devant tout le monde, qui n'ont pas peur. Il y a des gens qui sont assis autour, qui écoutent, debout, des gens qui passent, qui s'arrêtent. Voilà. C'est une historienne sur la place publique, en fait. C'est ça, c'est une historienne qui démocratise plein de savoirs, on va dire. Merci, Radio Debout, continue. Je suis assis et je pédale. Et pour quoi faire? Bah pour faire ce que vous voyez. Ah mais dites-moi. Ah mais j'ai pas beaucoup d'air dans les poumons, donc vaut mieux que ce soit vous qui le dise. Vous pédalez pour qu'un projecteur envoie un film sur un drap. C'est ça. C'est quoi ce film? Bah je crois reconnaître l'an 01. Oh, vous êtes prêt à pédaler jusqu'au bout? Non, je m'arrête quand je suis essoufflé complètement. Vous n'allez pas lâcher là, on est tous bien partis là. Bah ouais, si tu m'aides, ça va bien le faire. Nous on est le collectif Vélorution, donc là on a ce qu'on appelle un vélo producteur. Donc en pédalant, c'est une roue électrique qu'on utilise en sens inverse. Donc au lieu de fournir l'électricité pour avancer, on pédale pour produire l'électricité. Donc le vélo a toute sa place sur la place de la République Nuit Debout? Je pense qu'il a toute sa place, ouais. Et d'ailleurs, ce vélo producteur a été là du jeudi, donc dès le premier soir jusqu'à dimanche, et il a permis de faire de l'électricité pour l'infirmerie, pour recharger les talkie-walkie, pour avoir de la lumière pour l'infirmerie. Ouais. Ok, merci. La Nuit Debout continue, et la Vélorussion aussi. Alors là, je suis en train de peindre des messages et des citations. En l'occurrence, là, c'est un message donc qui dit « Si la police revient, on résistera ». Et là, je suis en train d'écrire « Ils viennent chaque matin entre 6h et 10h ». Voilà. Tu crois que ça finira par arriver, qu'on puisse rester là le matin? Je pense que ça finira par arriver et je pense qu'il faut commencer peut-être par construire une construction symbolique qu'on aura tous envie de défendre et qu'on ne laissera pas se faire détruire, et ce sera peut-être le début de l'occupation un peu plus radicale et à ce moment-là aussi de peut-être d'une confrontation aussi plus radicale, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à jouer main dans la main avec le système, avec les autorisations. Si on veut changer les choses, je pense qu'il faudra passer par le stade de la confrontation. Je pense que c'est inévitable. Merci, salut. La nuit debout continue avec Radio Debout. Alors ça, c'était hier soir en fait. Et depuis, la confrontation n'est pas encore arrivée. Par contre, ce qu'on a vu et ce qu'on voit ce soir sur la place de la République, autour de nous, autour de la radio, c'est que ça ne construit pas encore en dur, mais qu'il y a énormément d'infrastructures qui sont en train d'apparaître. Il y a une énorme bulle gonflable dans laquelle va se dérouler une autre agora, des concerts, des DJ qui ont invité des gens. Donc il y a déjà des abris un petit peu plus solides qui sont en train de se mettre en place pour reprendre les peintres qui sont là depuis une semaine. Il y a des gens juste à côté de nous là qui sont en train de peindre une énorme fresque sur le sol qui fait presque 15 mètres de long. Les vélos sont toujours là dans tous les sens. D'ailleurs, les gens arrivent à vélo partout. Ici à Paris, place de la République, voilà, donne un véritable satisfecit à aussi un changement dans les manières d'utiliser cette ville et d'être dans cette ville. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui et voilà ce que j'ai vu en arrivant. Merci, merci beaucoup Laurent pour tout ça. Alors avant d'aller écouter un petit peu ce qui se passe à l'AG, je voulais vous dire deux, trois choses. La première, c'est que vous pouvez écouter les émissions précédentes, donc à savoir d'hier et d'avant-hier, sur le site de MixLR. La suivante, vous dire que ce soir, vendredi 8 avril à 19h, il y a une nuit debout à Montreuil, place Jean Jaurès. Donc voilà, Montreuil, nos amis montreuillois et montreuilloises, n'hésitez pas à faire la nuit debout à Montreuil. Merci beaucoup d'ailleurs à mon émissaire pour l'info. Et d'autre part, vous dire aussi qu'il y a des nuits debout qui se préparent partout et nous sommes en train d'organiser des duplex avec eux pour demain, à savoir Clermont-Ferrand, Rennes, Nice, Lille, Lyon, Nancy, Caen, Toulouse, Besançon, Marseille, Alès, Amiens, Nîmes, Montpellier, Rodez, Berlin et Bruxelles. Donc voilà, c'est super, ça prend de l'ampleur. Radio Debout sera là pour être avec vous et pour vous restituer tout ce qui se passe un petit peu dans toutes ces villes. Voilà, merci beaucoup. On va faire un passage sur l'AG à présent. Radio Debout, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Et vous êtes les bienvenus. Tout de suite, l'Assemblée Générale sur la place de la République. Merci beaucoup. Des gens qui zonent dans la rue. Donc l'idée, ce serait aussi de faire des commissions le matin un petit peu, même si elles sont moins nombreuses. Voilà, donc on vous attend tous au pôle campement. Même si vous ne dormez pas là, amenez-nous du matériel. Des tentes, des tentes, des tentes. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais faire appel à la commission démocratie, qui est hyper importante pour structurer tout ce mouvement. Voilà. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Voilà, donc nous, notre commission, elle s'occupe d'organiser un petit peu comment se déroule tous les jours cette assemblée. Donc c'est vraiment un moment fort de la journée. Donc on se réunit tous les jours à 16h30 sur la place pour débattre des problèmes qui arrivent tous les jours. Pour les gens qui modèrent, qui s'occupent de faire tourner la parole. Donc c'est très important que toutes ces équipes se renouvellent chaque jour. Même aujourd'hui, l'équipe va changer à peu près vers 21h. Et donc c'est important qu'il y ait des gens qui viennent. Voilà, on a besoin d'amateurs qui ont envie de s'impliquer dans ce rôle, voilà, de parler à une foule comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, on a parlé plus spécialement comment aider à la fluidité de la prise de parole, qui doit rester libre sans qu'elle soit censurée, mais respecte certains principes. Donc voilà, on a essayé de s'interroger sur quels pouvaient être ces principes. Donc voilà, il y a quelques mots qui sont revenus. Le respect, l'écoute, la tolérance, la patience, la bienveillance et la compréhension. Voilà, donc si vous voulez en ajouter d'autres, venez demain à 16h30, on pourra en parler ensemble. Voilà, donc je voulais aussi vous parler un tout petit peu de ce rôle rapidement là du modérateur, parce que c'est vraiment une chose importante. Donc ce n'est pas un professionnel de la modération, nous sommes des personnes volontaires et donc fragiles, entourées et soutenues par les facilitateurs, aujourd'hui il y en a deux ou trois, et toujours sous votre contrôle. C'est-à-dire que si à un moment hein, vous trouvez qu'un modérateur ne vous convient pas, vous pouvez l'exprimer aussi. Et puis voilà, ça évite que quelqu'un prenne trop de pouvoir gênant. Donc l'idée que ce rôle tourne est essentielle, je vous l'ai déjà dit. Aussi pour vivre un petit peu ce que ça représente de modérer un débat, ce qui n'est pas forcément évident. Donc voilà, je vous ai dit, toute personne intéressée vient à 16h30. Ensuite, je voudrais vous parler du temps de parole. Donc notre souhait est que tout le monde puisse s'exprimer librement. Ça, c'est très important. Hein, cet espace de parole qui se libère, c'est incroyable. Donc il y a une énergie incroyable sur cette place, donc il faut la laisser s'exprimer. En revanche, vu le nombre qu'on est, nous vous proposons un temps de parole de 2 minutes. Donc ça peut paraître court comme ça, mais dans la pratique, pour l'instant, les gens se calent à peu près sur ce temps-là. Donc il y a un chronomètre qui est là, c'est Alex, aujourd'hui. Et si à un moment vous dépassez trop les 2 minutes, il va vous faire un petit signe et ça voudra dire que votre temps est écoulé. Voilà, nous vous proposons aussi de parler en votre propre nom. Et alors, il y a quelque chose qui arrive à un moment de temps en temps, c'est si un orateur provoque des réactions houleuses dans l'assemblée, ce qui peut arriver, c'est sans doute qu'il y a nécessité de débat. Donc nous vous proposons de donner un droit de réponse immédiat à 2 personnes dans l'assemblée qui puissent répondre à cette personne qui provoque une réaction un peu épidermique de l'assemblée. Ok. Voilà, et je remercie toute l'équipe de ce soir qui assure la modération. Merci. Merci. Donc, je vais demander aux commissions TV Debout, Presse, Science Debout de se préparer. Je ne sais pas si on a une de ces 3 commissions qui est là. Science Debout est là, super. Bonjour, je viens pour la commission Science Debout. Donc, on s'est lancé mercredi. Alors, l'idée, j'ai entendu tout à l'heure qu'on ne devait pas se transformer en festival. Nous, on est là pour partager les connaissances et je pense que partager les connaissances et les partager sur la place publique, en soi, c'est un acte politique. Et donc, on est très content de vous dire qu'aujourd'hui, il y a des commissions Sciences Debout qui se sont créées à Lyon, à Brest, à Toulouse et à Montpellier. Cet après-midi, il y a eu un atelier sociologie qui est debout. Moi, je viens avec ma pancarte, je suis physicien, posez-moi vos questions. Mais j'ai vu quelqu'un avec une pancarte, je suis blagueur, posez-moi vos questions. Donc soyez créatifs, n'attendez personne et vous aussi partagez vos connaissances. Enfin pour terminer, on prépare un grand événement pour dimanche 14h où il y a déjà 100 de chercheurs qui ont dit qu'ils viendraient pour discuter et pour partager leurs questions. N'hésitez pas à relayer sur les réseaux sociaux avec Science Debout, science au pluriel. Merci. Du coup, maintenant, je vais appeler la je vais d'abord vous demander de vous asseoir encore, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, s'il vous plaît, toutes les personnes debout, surtout. On a plus de jus. Ah, c'est bon. En plus d'essence dans le générateur. Et donc, le monsieur qui s'occupe du générateur va mettre de l'essence. Alors, peut-être que quelqu'un m'entend. Peut-être que personne m'entend depuis 25 secondes. Il n'y a plus d'AG non plus, ou l'AG continue, mais avec des mic checks. C'est-à-dire que les gens répètent. La personne qui est en train de parler. Et là, on est avec un haut-parleur. Donc, je vais essayer de vous donner ça à entendre. Bonsoir. Alors, nous, on est la commission de grève générale. Aujourd'hui, on a mené une action dans les gares, notamment Gare Saint-Lazare et Gare du Nord. J'espère que vous entendez quelque chose. Je suis avec mon téléphone. On n'a plus que ça. Donc, aujourd'hui, notamment, les cheminots à rejoindre le mouvement. Ça a été extrêmement bien accueilli. Il n'y a pas eu de problème. Les cheminots vont rejoindre le mouvement. On ne devait même pas être 50 aujourd'hui à être mobilisés. Donc on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Parce que le but, c'est pas d'aller voir. Le but, c'est pas seulement d'aller voir, seulement les cheminots. Il y a des centaines de personnes sur la place qui sont assises ou debout, qui lèvent les mains pour confirmer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous pouvez venir nous voir à l'accueil, comme pour toutes les commissions. Sinon, ça, c'est une nouvelle expérience pour Radio Debout. Hein. On fait la radio en live, in situ, au milieu des gens, avec un téléphone portable. Si ça marche, on sera heureux. On pourra essayer des choses encore plus compliquées après. Il faut savoir, on est vraiment très bien reçus, les gens. Les gens ne sont vraiment pas contre. Les gens sont absolument pas contre ce mouvement. On a été extrêmement Je vais essayer de me rapprocher un peu. C'était même vraiment très beau. Simplement, les gens sont frileux. On peut les comprendre, ils n'ont pas envie de faire de leur boulot, etc. Donc, ils sont mobilisés en masse. On ne peut pas simplement prendre un seul secteur d'activité et leur dire venez nous rejoindre, on est obligé de prendre tous les secteurs d'activité. On a besoin de faire ça, faire deux, trois actions peut-être par jour dans les semaines qui viennent. Donc si vous voulez nous rejoindre, s'il vous plaît, je vous en supplie, nous sommes la commission grève générale. Voilà. Et on est tous les jours à 17h, on a notre commission, notre AG qui tient à peu près par là. C'est la commission grève générale qui va être applaudie. Une petite phrase à faire passer en porte-voix pour être sûr que tout le monde a le message. Si on ne place pas l'économie, on ne sera pas entendu. Si on ne place pas l'économie, on ne sera pas entendu. Si on ne bloque pas l'économie, on ne sera pas entendu. Alors, l'explication technique est qu'il n'y a plus d'essence dans le groupe électrogène. Voilà, elle explique qu'il n'y a plus d'essence dans le groupe électrogène. Là, à nouveau de l'essence. Ah, on a à nouveau de l'essence. Eh bien, la radio va pouvoir repartir alors dans un moment. C'est ça, et on parle de siphonnage de réservoir. On n'a plus que ça comme solution. Ok. L'AG va reprendre lentement. La radio va reprendre lentement depuis notre vrai studio. Et pas depuis mon téléphone. Voilà. Merci la commission logistique. Et on remercie la commission logistique. Et on peut reprendre l'antenne chez nous. Ça va durer un tout petit moment, le temps de la transition d'antenne. Mais on vous rejoint tout de suite. C'est parti. On est toujours sur Radio Debout en direct depuis la place de la République. On a un petit problème de connexion, sensation que notre émetteur 4G est en train de nous lâcher. On va du coup reprendre l'antenne avec le même modulité que tout à l'heure, avec le téléphone. Je nous ramène à la table. Donc, on est toujours avec Catherine et Pierre, qui sont des mythes à Paris. Et Pierre, tu étais en train de nous dire comment vous contacter, comment vous aider. Alors, en nous contactant, alors on a un mail cpmjie@gmail.com ou par Facebook Collectif Parisien pour la protection des jeunes et mineurs isolés étrangers. On essaie d'organiser la protection des jeunes et puis des mobilisations pour faire connaître la situation sur Paris, mais aussi à l'échelle de la région, par exemple en contactant différents collectifs. D'accord. Donc le problème technique, en fait, c'est parce qu'il faut qu'on recharge notre clé 4G, parce qu'on a un certain nombre de gigas. Voilà, on est pas de choses, hein. C'est la clé voilà. 4G qui est... C'est, là, on dépend pas. Notre fuel, en fait, c'est des, il est virtuel, c'est des octets, et on n'a plus assez d'octets. Donc il faut qu'on recharge, il faut un code, c'est compliqué, c'est comme quand on téléphone dans une cabine. Donc je vais redire le mail du collectif qui est cpmjie@gmail.com comme collectif parisien pour la protection des jeunes mineurs isolés étrangers. CPMJIE. Et puis lettre commune, c'est donc le bulletin de ce même collectif qui vient de sortir son premier numéro en juin 2015, donc c'était l'année dernière en fait. Il y avait des dessins, alors raconte l'histoire des dessins avec l'édition, là, c'est intéressant aussi. En fait, le premier numéro a eu lieu en avril l'année dernière. Nous essayons de faire un autre numéro, donc on a fait un appel à dons, etc. Et ça, ce numéro, ce serait un 12 pages et qui ne serait pas seulement sur la situation des mineurs isolés, ce serait aussi avec d'autres collectifs, notamment La Voix des Roms et d'autres associations, d'autres collectifs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a eu un 4 pages supplément avec des dessins qui ont été faits par une jeune fille qui s'appelle Margot. et des propos des jeunes, surtout les paroles des jeunes qui disent un peu voilà, leur situation, leur association. Et ça, sur Facebook, en effet, ces paroles-là des jeunes, moi j'en ai lu plusieurs, on les trouve. On trouve sur la page Facebook, le 4 pages de supplément, on y trouve tous nos courriers et on y trouve aussi le journal Lettres communes et on espère faire bientôt un nouveau numéro. Merci. Merci Catherine, merci Pierre. On vous suivra, de toute façon on reviendra sûrement sur ces questions-là ou autrement. Je sais qu'il y a une pétition, on la lira peut-être demain parce qu'elle est assez longue là. Et voilà. Et puis c'est bien de revenir sur les choses aussi, de ne pas les dire tout en un bloc une fois. Et comme ça les gens dans l'oreille, ils l'ont encore plus. On va passer la parole à une jeune femme qui va nous lire un poème. Ça pourrait s'appeler salut, au revoir, il faut que je me sauve. Pour l'heure, je ne suis pas partie et je n'ai pas bientôt fini. Pour le moment, j'ai tout le temps et je ne vous le fais pas dire, mais je sais, vous m'en direz tant. Ce n'est pas aujourd'hui encore que je fausserai la compagnie. Merci, jeune femme. C'est un poème, un extrait d'un poème de Valérie Rousseau. Je ne sais plus si c'est dans Vaou peut-être. Donc voilà, on est ravis, on est toujours avec vous, avec Radio Debout. Le soir commence légèrement à tomber, le ciel est un petit peu plus gris, les gens sont de plus en plus nombreux, mais il y a quand même encore des gens avec des lunettes de soleil. Ça c'est le grand classique parisien, c'est d'avoir des lunettes de soleil quand il n'y a pas de soleil. donc on est ravis, j'espère que vous aurez des choses à nous raconter, que peut-être tous ceux qui écoutent la radio aient envie de nous rejoindre pour venir aussi parler, donner des informations que nous on n'aurait peut-être pas. Ah oui, il y avait un truc aussi, c'est-à-dire s'il y a des gens qui écoutent la radio, c'est-à-dire qui ne sont pas sur la place, c'est idiot ce que je vais dire du coup, mais qui auraient écouté et qui aussi seraient venus régulièrement sur la place, ce serait sympa de passer et nous donner vos impressions jour après jour, ce que ça vous fait d'être ici, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a touché. Soit vous pouvez nous l'écrire par mail aussi, soit en passant. On va pouvoir récupérer les micros, on a à nouveau de la connexion. Donc voilà, ils ont installé un petit parcours du combattant très très sympa, donc faut passer sous des cordes, faut sauter par-dessus des trucs, c'est très rigolo. Hop, on se baisse. Ok, on te suit Charlène. Voilà, donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants, hein, c'est quand même surtout pour les enfants, c'est très sympa. Hein. Il y a de la bière, il y a des clopes, il y a d'autres choses aussi qui se fument. C'est très très très sympa. Attention. Donc voilà, donc encore le parcours du combattant. Nous passons devant une banderole. Il y a écrit quoi sur la banderole? C'est Radio Debout. C'est Radio Debout en direct. Pas de droit au chômage, pas de droit du travail sans droit au chômage. Et vous allez la mettre où? Là pour l'instant. Pour l'instant elle reste là. Merci. Elle reste sur le côté de la place. Merci. Donc des gens évidemment très souriants et très enthousiastes et qui aiment partager leur bonheur, leur savoir et leur lutte. Donc nous marchons sur la place de la République. Apparemment les gens se sont donné rendez-vous, hein, puisqu'il y a une bonne grosse dizaine de personnes sur cette place. Une place de République, je dirais plutôt en joie. Hein, en joie. Voilà. C'est différentes formes de joie, mais c'est de la joie. Voilà, différentes formes de personnes, différentes formes de mouvements. Un peu de musique. Turkish. C'est turc. C'est turc. Je peux vous chanter, c'est turc. Et c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi? C'est quoi les paroles de la chanson? Turkish. Les paroles de la chanson? Vous parlez pas français? Non, c'est français. Non, c'est français. Ah, ok. Ils chantent en turc. D'accord. Et ben voilà, ils chantent en turc. Ils tapent sur un bidon d'eau. Et puis, ils ont une petite cagette. Ils sont là, ils sont heureux. Donc, on va continuer. Charlène. Clémence qui a donc décidément l'air de faire semblant de s'intéresser aux gens qui nous entourent. Alors que moi, très honnêtement, je suis là uniquement pour profiter de la bière gratuite. Je préfère être honnête et le dire directement. Il n'y en a pas ? Où est-ce qu'il y en a ? Et il n'y en a pas, donc voilà, c'est pour ça que je vais rentrer chez moi assez vite, hein, du coup. Alors là, en fait, on change d'ambiance. Hein. D'un coup, il y a des gens absolument partout. Il y a encore une pancarte. État raciste et sécuritaire, la seule urgence, résister. Bonsoir. Bonsoir. Radio Debout. Qui êtes-vous ? Bah, Bastien, un mec, comme ça. Tu viens d'arriver ? Il y a une heure environ. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Bah, nous, on était de l'autre côté de la place toute la soirée et on va voir ce qui se passe de ce côté-là maintenant. Un reportage ? Ouais. Ouais, on est en direct là. C'est pour quoi faire alors ? C'est pour la radio. Quelle radio ? Radio Debout. Radio Debout ? Bah oui. Ok, c'est bon. Ok, bah là, quand même, si c'est la radio Debout, on a fait beaucoup d'oignons et de soupe pour nourrir les gens. Et ben voilà, c'est un appel. Je sais pas pourquoi, mais par contre, oui, on a besoin de planches, de couteaux, marmites, matériel et sans doute aussi de nourriture. Donc s'il y a des gens qui ont des plans récup, c'est pas tant la force de travail que les outils. Et ben on relaye. Ok, bah merci. Ciao, hein. Merci. À la bientôt. À bientôt. Alors là, on arrive où ? On arrive en teuf, non ? On arrive en teuf, ouais. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet d'aéroport sur cette place de la République et que c'est pour ça que les gens se mobilisaient. Donc François Hollande, la France refuse cet aéroport place de la République. Les zadistes de tout arrondissement se sont réunis. Voilà. Et ils sont nombreux, hein. Ils sont très nombreux. C'est une veste kaki militaire pour se fondre dans la... Et alors ce qu'on peut dire aussi, une chose qui est très importante je trouve, c'est qu'il y a de ça quelques mois, au mois de novembre, autour de cette statue, il n'y avait que le silence, que des gens qui étaient là pour se recueillir, parce qu'il faut quand même dire que le lieu des attentats, c'est juste derrière la Bonne Bière, c'est pas loin, et que du coup là en fait ce qui se passe, c'est complètement historique les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là tout le monde se réunit et plus rien, plus personne, n'a peur de l'état d'urgence, tout le monde est là, et là on s'avance vers les gens, il y a des gens par terre, des gens qui sont là par terre, bonsoir, plein de jeunes, alors on va s'avancer peut-être, bonsoir, qu'est-ce que vous faites là ? Bah, ça paraît évident, non ? Qu'est-ce qu'on peut faire là, un soir de nuit debout sur la place de la République ? Vous restez là toute la nuit ? Vous restez là toute la nuit ? Cette nuit peut-être pas, mais demain soir c'est sûr, en plus qu'il y a la création du campus. Donc les gens vont commencer à poser leurs tentes, etc. Donc il y a de fortes chances que moi, en tout cas, je reste demain soir toute la nuit. Ouais. Demain, on investit la place et on dort ici alors. Bien sûr, jusqu'au bout. Exact. Mais vous interviewez pour qui ? On est Radio Debout, nous. On est de l'autre côté de la place. Cool. Alors, on est tous bien avec vous alors. Merci. Ouais, super. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que les devoirs sont faits ? Moi, je suis venu hors bac, donc je m'en fous. On pense à autre chose quand on est ici. On pense plutôt à notre avenir, à tous ensemble. Tiens, dans ta gueule, Charlène. Et alors, du coup, ça consiste en quoi ? Comment est-ce que vous avez appris ce campus ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Quel est le mot d'ordre ? Il faut venir avec sa tante, c'est ça ? Comment est-ce qu'on fait ? J'ai pas eu plus d'infos pour le moment. J'ai juste été de passage à l'AG. Radio Debout, sur l'angle nord-est de la place de la République. Radio Debout, MixLR/Radio Debout. Alors, autour de nous, ça continue, il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce qui se passe et qui se demandent comment prendre la parole. Alors, je lance un message maintenant. Si vous voulez venir intervenir sur Radio Debout, si vous voulez raconter ce que vous avez vécu, raconter ce que vous faites, si vous avez enregistré des choses, si vous avez ressenti des choses, vous êtes les bienvenus ici. On est à côté de la télévision TV Debout. Nous avons nos pancartes. Nous sommes une équipe sympathique. Il y a aussi nos reporters, Alexandre, qui se promènent quelque part sur la place. Peut-être les rencontrerez-vous. Ils sont avec ce formidable dispositif qui permet aujourd'hui, effectivement, d'envoyer une parole en pérégrination, en marche, debout. Parce que finalement, la nuit debout, on est debout grâce à nos pieds et donc on marche. Et il y a ces gens qui marchent partout. Il y a ces gens qui sont debout. Et c'est à se demander s'ils ne vont pas finir... peut-être à un moment, par marcher quelque part, par marcher sur quelque chose, par marcher vers quelque chose. Donc on va devenir des espèces de marathoniens de la vie. On va essayer de le devenir. Mais c'est vrai qu'en venant ici, vous pouvez aider les autres et vous aider vous-même. Je pense que c'est ça aussi la chose très importante. Il y a un côté très psychologique qu'il faut prendre en compte, où vraiment on est dans une société où on n'a pas vraiment le temps de parole, on n'a pas vraiment on peut même pas vraiment s'expliquer avec ses amis ou avec sa famille. Et donc du coup, on peut ici trouver peut-être un refuge ou un réconfort auprès de certaines personnes qui peuvent vous aider. Ouais, Adrien. Alors maintenant, comme ça fait un bout de temps qu'on n'est pas retourné au cœur de l'AG, au cœur de la place de la République, on va rebasculer vers l'Assemblée Générale et on y va maintenant, c'est Radio 2. Merci. Donc ça va être la parole à Guillaume K et après, j'ai pas compris, Darius. C'est toi Guillaume ? Bon, ouais, j'avais deux propositions à vous faire. La première est théorique et je vais essayer d'oser proposer la deuxième qui est poétique. C'est un peu plus difficile. La première proposition, c'était de proposer une réflexion sur la moralité du travail. Je veux dire par là, non pas le fait que de travailler ne serait pas moral, mais qu'on se questionne plus sur la moralité de certains métiers, la moralité de certaines professions. Parce qu'aujourd'hui, on est tombé dans une neutralité du travail dans laquelle il est simplement bien de travailler et où les gens ne se posent plus la question pourquoi est-ce qu'ils travaillent, parce que c'est devenu ce qui est bon, ce qui est bien. Et c'est, je pense aussi, la raison pour laquelle les policiers acceptent d'une certaine manière de trouver ça normal d'avoir une oreillette qui leur dit de nous frapper pendant l'Assemblée Générale à Tolbiac ou pendant que les lycéens manifestent. C'était ma proposition improvisée et je vais essayer de lire quelque chose que j'ai écrit il y a un an quand je pensais que c'était tout à fait impossible qu'une chose pareille se passe et ce poème c'est une manière de montrer que je vous remercie de tout mon cœur pour ce que vous faites et votre présence et les organisateurs. Où sont les poèmes révolutionnaires? Les bistrots bruyants aux airs de communes? Perdus dans les ombres passées de brume, les barricades pavent à nouveau les enfers. Où sont les chants missionnaires, les gosiers râlant d'amertume, les armes au poing volant en l'air, la révolte n'a pas d'édition posthume. Où est le génie littéraire, soulevant les vagues qui fument, le tyran qui nous exaspère, égorgé d'un trait de plume. Où est la joie éphémère d'une victoire sous la lune, car la voix qui libère l'a remportée dans les urnes. Voilà, je vous remercie. Donc la parole est à Darius et après ce sera Paul C. Alors bonjour à tous. Moi je voulais juste prendre la parole pour parler de la justesse de prise de parole parce que ça fait plusieurs soirs que je viens et que j'entends des gens râler sur ce que disent les autres personnes. Excusez-moi au fond. Donc je voulais réagir aux critiques moralistes sur le mouvement en commençant par un petit exemple. Donc quand les premiers mots d'un petit bébé c'est caca, personne ne vient le voir pour lui dire alors je vois pas trop ce que tu proposes concrètement, mais si c'est pour dire des conneries c'est pas la peine de parler. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se voit comme ce bébé parce que la nuit debout elle n'a qu'une semaine. On est presque tous ici sortis d'un hiver qui est long de 50 ans. On nous a confisqué la parole et là, ici, on nous donne le pouvoir de s'exprimer. Mais comme l'a dit Lordon un peu plus tôt, nous ne revendiquons rien et surtout pas la bonne parole, la belle parole construite, cohérente. Parce que ceux qui l'ont, la parole légitime, ils l'utilisent pour dire plus de conneries qu'on pourra jamais en dire ici. C'est pareil. C'est pareil pour toutes les formes de lutte d'ailleurs. La violence de ce silence et de cet isolement qui nous impose, elle légitime tous les moyens d'action, y compris ceux qui sont censés être violents. Parce que de mémoire, on n'a jamais tué personne, nous. Ce qui est important ici, c'est de bien comprendre qu'on est juste au tout début de ce mouvement. On est juste en réveil d'un sommeil politique. Alors c'est légitime qu'on fasse la fête, qu'on boive, qu'on gueule, qu'on dise quelques conneries. On a juste une semaine en fait. Alors soyons indulgents envers nous-mêmes, envers les autres. Acceptons les gens bourrés, ceux qui trempent comme moi, ceux qui ont peur et ceux qui sont hors sujet ou qui se répètent. Soyons bienveillants. Le temps de la construction, du projet, des choses intelligentes, il viendra bien assez vite. Et là c'est le temps de la parole libre. Alors on prendra le temps qu'il faudra, on n'a aucune échéance. Et sur ce, bonne manif demain Et bonne nuit de mou. Merci de m'avoir écouté. Donc la parole est à Paul C, voilà, et ensuite ce sera Vincent B. À Radio Debout, sur la place. Bonsoir. Je suis avec. On n'est plus tout seul. Marion. Je suis avec Marion. Enchanté. Et avec Flix. Alors, vous êtes arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Eh bien, ça fait quelques nuits déjà que, comme des milliers de personnes maintenant, on squatte sur la place de la République à Paris. J'ai fait la connaissance de Flix, qui est un artiste. C'est la première fois que tu viens ici, là? C'est la première fois que je viens ici. C'est des amis qui m'ont recommandé. On m'a dit que c'était cool. Donc et alors, c'est cool ou pas? Non, c'est très très cool et c'est important. C'est important que des gens comme moi soient aussi là présents. Et j'en prends. Ça veut dire quoi des gens comme toi? Bah les quartiers un peu quoi. C'est-à-dire que clairement les quartiers, on s'est totalement absenté de cet événement. Moi, je suis venu avec d'autres pour créer un pont et dire que toutes les thématiques qui vont être traitées ou qui sont traitées depuis une semaine, c'est des thématiques que nous on connaît et qu'on vit depuis une dizaine d'années ou une vingtaine voire 30 ans dans les quartiers populaires. Violence policière, chômage, la loi El Khomri, elle va faire hyper mal dans les quartiers si elle passe et tout. Donc voilà, il est important je pense que des gens des quartiers populaires soient aussi présents. Hier, il y a Mohamed Meshmesh du collectif Assez le Feu qui s'est exprimé. Je crois que son discours a résonné très fort dans l'Assemblée. Il a eu un discours, le collectif est né en 2005 après les émeutes. Il a expliqué que malheureusement, à cette époque-là, pendant les émeutes dans les banlieues, le Paris intramuros ne s'était pas déplacé de l'autre côté du périph'. Et qu'aujourd'hui, vous étiez présente. Tu l'as entendu son discours? J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Parce qu'apparemment, ça a fait, ça a trouvé son écho et... Les gens m'ont beaucoup parlé et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu parce qu'en fait, il n'a pas parlé dans le vent, les gens l'ont écouté et c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même de la bienveillance et les gens sont prêts à entendre. Il y a un échange qui est concret. Avec certains médias, c'est difficile, tu vois, tu dis des choses, elles sont détournées ou elles sont dites d'une certaine manière. Et ce que Mohamed a fait hier, c'est important parce qu'il a parlé pour nous et ça a été compris et entendu. Et donc, quand moi je suis arrivé, j'étais hyper bien accueilli et on m'a demandé moi aussi de m'exprimer. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une méfiance envers les politiques qui est exprimée depuis quelques jours sur la place de la République. Tu es en train de nous dire qu'il y a une méfiance aussi envers les médias? Très, très forte. Ça se ressent dans les quartiers? Très, très, très forte. La méfiance envers les médias, elle est immense. Et elle est justifiée aussi. Elle est justifiée parce que malheureusement, on a eu... Tu veux que je te donne une anecdote? Vas-y. En 10 secondes, l'an dernier, l'affaire après Charlie Hebdo, on m'appelle, pareil, Flix, est-ce que tu peux venir dans les quartiers avec des amis à moi de la ville de Grigny, la Grande Borne, ville de Koulibaly. Ils ont un projet, on le fait ensemble, machin, ils m'appellent. Moi, j'amène des jeunes des Ulis. Il faut savoir les histoires dans les quartiers dans le 91 qui ne s'aiment pas et tout. Je prends quand même des jeunes des Ulis, je les amène à Grigny, la Grande Borne. Les jeunes de Grigny, la Grande Borne sont là, il y a des jeunes de Mantes-la-Jolie et tout ça. Tout se passe très bien. On nous dit, il y a un média, je ne sais pas si je peux le citer. Fais-toi plaisir. Voilà, le grand journal. De toute façon, c'était De Cône, il est parti. Voilà, il y a De Cône qui envoie une équipe, tout doit bien se passer et tout machin. Et nous, on dit bien aux enfants, vous parlez du projet artistique et vous parlez surtout. On veut pas parler de Koulibaly. De toute façon, on n'a pas condamné ou à dénoncer. Cet homme-là n'a rien à voir avec nous. On veut pas en parler, tout simplement. Maintenant, il y a un projet artistique. Vous avez fait le plaisir et l'honneur de venir dans le 91 pour parler de cette action, parce que les enfants, après, on les emmène à New York. Venez, parlons-en. Donc, les journalistes, super sympas, le café, le couscous, tout le monde est content, l'interview se passe super bien, les enfants sont contents. Moi, j'ai eu l'autorisation de certains parents. Ouais, bien sûr. Donc, t'inquiète pas, je prends ton fils, demain, c'est dans le grand journal, machin. Le soir, oui, c'était magnifique, j'ai été super bien accueilli. Le lendemain, l'émission à Pascan, jeudi, l'émission à Pascan, vendredi, l'émission à Pascan, ouais, finalement, c'était pas assez hardcore, c'était pas assez vénère, donc on va pas le diffuser. Donc quand la banlieue avait donné une bonne image d'elle-même, on nous zappe, mais quand c'est pour faire les oives ou faire les you, wesh wesh, là, on a accepté médiatiquement, et ça, c'est plus possible. Et c'est pour ça que beaucoup de médias, quand ils viennent dans les quartiers, ils leur font un fixeur. Il leur faut quelqu'un de crédible qui va dire, voilà, cette émission-là, tu pourras venir si moi, je suis là. Si je suis pas là, tu te démerdes avec les gamins. Parce que les gamins, les caméras et les micros, ils n'en veulent plus. C'est justifié par moment. Et le projet pédagogique que tu essayais de mettre en place avec les enfants des quartiers après les attentats de Charlie Hebdo, c'était quoi? Alors, ce projet-là, c'était surtout l'association Greenywood, des frères à moi de la ville de Grigny. Ça a cartonné, les gamins sont allés aux États-Unis, machin, ça s'est super bien passé. Et moi, en parallèle, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Allô Marianne Bobo, où on a donné la, pareil, on a donné la parole à des jeunes élèves du collège Aimé Césaire, tu vois, Aimé Césaire en plus, c'est le collège dans lequel j'ai grandi, et on leur a demandé qu'est-ce qui se passe l'après Charlie dans votre collège, et c'est édifiant. Je vous invite à aller regarder le doc, il est sur ma chaîne YouTube, Quartier Général TV, ou alors sur la chaîne Résus, Résus qui était le collectif avec lequel j'ai fait ce documentaire. Pourquoi tu dis c'était édifiant? T'as des exemples à donner de ce franchement qui est ressorti? Ouais, bah déjà d'entendre des enfants de 10-11 ans et de se rendre compte à quel point en fait l'appareil journalistique et médiatique il est imprégné pour eux. Nous il n'était pas imprégné comme ça, tu vois. Nous quand on avait 10 ans, il y avait Eric Radeux, Dorothée, quoi. Et eux ils savent déjà LCI, BFM et tout. Et surtout quand ils ont mal, ces enfants, ils ont l'impression qu'il n'y a personne pour les défendre. Et pourquoi on a parlé avec ces enfants qui ont 10 ans? C'était l'affaire du petit Ahmed qui avait 8 ans, qui a quasiment fait une garde à vue parce qu'il a dit qu'il n'était pas Charlie. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là. Je me souviens bien de cette histoire. Voilà. Et toi, tu as toujours une conscience politique ou elle est née à un événement précis? C'est le hip-hop qui m'a rendu conscient. Dans la musique, toi? Ouais, le rap de ma génération, j'ai 35 piges, donc moi, ma génération, c'est vraiment les NTM, IAM, Assassin, ce qui concerne la France, Public Enemy, NWA et tout ça, voilà. T'as 10 piges, t'écoutes ça, tu prends ça dans le crâne, tu te dis c'est bon, quoi. C'est ce que je veux faire et de cette manière-là. Après, beaucoup de gens de ma génération, eux, se sont tournés vers le bling-bling, vers le matérialisme et tout. Moi, ça m'a jamais parlé. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis un peu un de ces rappeurs de banlieue qu'on appelle lorsqu'il y a des médias et tout, parce que j'essaie de défendre nos valeurs. Je crois que tu viens de sortir un album, c'est ça? Aujourd'hui même. Et qu'est-ce que... Justement, t'es là à l'antenne, est-ce que tes mots, tu peux nous les faire entendre? Justement, t'es là, voilà, il n'y a pas d'instrument, il n'y a rien. On est à l'arrache, on est en direct, c'est le hip-hop. Mais t'as quand même du monde qui t'écoute. Ouais, on n'a pas les mêmes héros, on n'a pas les mêmes neurones. Mes premières clubs, c'était Gainsbourg, tes potes en bas de nos 15 tours. On a goûté Kinshasa là-bas, j'ai vu des auréoles. On a écouté Kassav, pas la compagnie créole. On avait la rage en cours parce qu'ils ne parlaient jamais de nous. Un bâtard de prof m'a dit, va faire Zoulou chez Mobutu. J'étais jeune et ambitieux, un gun à la place des yeux. Plus fasciné par les Black Panthers que par le milieu. L'aide sociale avait beau me parler. Au fond, je me dis, Beaumoyer qui ferme sa gueule, c'est pas Bob Marley. J'écoute du Kofi, Mobb Deep ou Kaysley. Le King, c'est Michael Jackson, pas Elvis Presley. On n'a pas les mêmes héros, je boycotte les cochons. C'était des cochons, les cowboys, c'était pas des bonhommes. Yeah. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invite. Merci Félix, tu vas rester debout ce soir. On est debout, on est ensemble. On est ensemble? Debout et ensemble. Ok. On est là. Et on espère que les gens des quartiers nous entendent. On les invite à nous retrouver les gens des quartiers, tous ensemble. Ils demandent qu'une chose, c'est que leurs paroles elles soient retranscrites d'une manière. Qu'ils viennent à Radio Debout. Je vais en amener et je vais les. Voilà, je suis venu en éclaireur, on va dire. Radio Debout. Merci à vous. MixLR/Radio Debout. MixLR/Radio Debout.com. Merci à vous en tout cas. Merci Flix. C'est important ce que vous venez de faire. Un petit pas pour la soirée, mais un grand pour la France. Merci à vous. Debout partout. Salut. Merci. Et ben voilà, on est toujours en direct sur Radio Debout, place de la République. Et j'ai à côté de moi Issa qui attend de venir nous parler depuis pas mal de temps, qui est venu tout à l'heure, qui est reparti. Issa qui est avec sa moustache, sa casquette en cuir. Et Issa qui est... Qui est qui? Oui, alors beaucoup de choses. Et je suis écrivain, que j'avais écrit beaucoup des articles économiques, politiques, philosophiques. Le dernier travail que j'avais fait, c'est un roman que j'écris, Le Séparé, alors en français. Alors roman, et ça s'appelle Récit d'un nomade d'Iran. Voilà. Alors, une chose intéressante pour ce mouvement, que comme j'étais dans le mouvement des indignés, alors dans un roman qu'il s'agit de nomades de l'Iran, il y a une assemblée générale qui se passe dans le roman, alors je le copiais de l'assemblée générale des indignés. Attendez, il y a des assemblées générales en Iran où ça a été... C'est-à-dire, non, assemblée générale qui existe dans le roman, chez les nomades, dans le roman, je copiais le règlement de l'assemblée générale qui se passait dans le mouvement des indignés où je l'avais connu. C'est-à-dire, je veux dire que, pour moi, la question dans un mouvement. Il y a les revendications concrètes que vous en avez, mais à mon avis, il faut un grand travail culturel, littéraire, art, poésie, parce que si un mouvement il n'est pas créatif, il ne peut pas engendrer un courant pour changer l'avis des gens. Un mouvement politique doit être accompagné d'un mouvement artistique pour vous ? Oui, oui, c'est-à-dire parce que si on regarde des grands moments de mouvements politiques, on voit qu'il y a une création en même temps. Et tu t'es promené sur la place, tu as vu, il y a des artistes, il y a des musiciens, il y a des peintres, il y a des photographes, des poètes, des historiens. Est-ce que tu as vu ces gens qui font du théâtre, qui inventent des histoires, qui les écrivent ce soir? Qu'est-ce que tu ressens de cette effervescence qui est spontanée mais qui est forte et de plus en plus forte ce soir? Là, ça commence à être très très fort autour de nous. Oui, c'est-à-dire c'est positif. Et j'insiste là-dessus. Je dis que, voilà, j'étais content de voir ça. J'étais content de voir la place de l'art, littérature, dans le mouvement. Parce que, à mon avis, si on n'est pas créatif, on ne peut pas construire l'avenir. On ne peut pas inviter les gens pour construire l'avenir si on n'a pas une créativité de monde qu'on va faire. Quel monde on va créer ? Alors, moi, je voudrais te poser une question. Ton livre s'intitule « Récit d'un nomade d'Iran ». J'imagine que tu es iranien. Tu m'as dit tout à l'heure que tu vivais ici depuis longtemps. 34 ans. Ce qui se passe ici, est-ce que ce serait possible en Iran ? Peut-être pas. Peut-être rappeler à nos auditeurs que cette liberté de se rassembler et d'avoir une parole politique, elle est précieuse, mais qu'elle n'est pas évidente. Oui, c'est-à-dire, oui. On avait parlé dans le mouvement même des indignés. On parlait démocratie réelle maintenant. Le slogan du mouvement des indignés, c'était la démocratie réelle maintenant. Et qui alors, sont les indignés en Iran? Oui. Tu alors, les inventes ou ils existent? Non, j'ai dit en Espagne. En Espagne et en France, c'était alors, comme tu as demandé sur la démocratie. Alors, oui, c'est-à-dire ici même, on voit que la démocratie, ça peut être en danger, ici même. On voit qu'il y a une revendication de démocratie réelle. On voit que depuis des années, on parle de démocratie participative, par exemple. Qu'on dit que la démocratie représentative n'est pas suffisante. Alors, c'est-à-dire intervention de citoyens à tous les niveaux dans leur travail, dans l'éducation, qu'ils puissent jouer un rôle permanent pour la démocratiser, les relations de travail humain partout. Alors, dans les pays comme l'Iran, alors dans le pays, on nous dit au studio qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vous invite à terminer votre intervention. Oui. Voilà, dans le pays comme l'Iran, on vit dans la dictature. C'est un dictateur, le pays c'est un dictateur, et la plus grande revendication du peuple c'est la démocratie. C'est la démocratie, et la démocratie elle est heureusement ce soir elle très, de très, très palpable. On va retourner à l'AG justement, une nouvelle séquence est en train de s'ouvrir, on entend les voix des gens. On va à l'AG avec Radio Debout. Baissez le son. Alors... Je viens, il y a un facilitateur qui est en train d'envoyer un texto à la personne qui s'occupe du son là-bas. Et donc, normalement, d'ici quelques secondes, ça devrait baisser. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on puisse continuer l'assemblée. Et là, c'est difficile de continuer comme ça. Il n'y a pas de texto, il y a des êtres humains. Il faut se déplacer. Allez, on va aller. Ah ouais, on va aller demander textos. Et il y a aussi quelqu'un qui est parti pour demander d'aller baisser le son. Donc, dans tous les cas, le son va se baisser bientôt. On va pouvoir reprendre, j'espère. Il est où le carnet? C'est qui après? Van, t'as pas fini de dire ce que t'avais à dire? J'ai été coupé trois fois. Bon, essayons de garder l'attention, s'il vous plaît. Je vais continuer. Je parle plus fort. Donc, je voulais surtout rebondir sur un sujet sur lequel je réfléchis depuis un petit moment. On est tous là depuis le 31 mars. Et on est en train d'organiser plein de choses qui sont superbes. Et puis, bien sûr, il va falloir continuer. Et après, il faut penser à la suite. Il va falloir un moment officialiser tout le travail, le boulot qu'on est en train de faire. Donc c'est par rapport, moi, à la réflexion que j'aimerais balancer, parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents, sur deux points particulièrement, vote blanc et abstention. Nous sommes aujourd'hui dans un système politique appelé démocratie représentative. J'invite à la réflexion vote blanc de masse ou abstention dans leurs règles du jeu. Par quelle voie le peuple peut-il gagner le plus de légitimité face à cette démocratie qui est actuellement déguisée par celles et ceux, surtout ceux, qui la dirigent. Le vote blanc, il est nul. L'abstention, elle est nulle. Qu'est-ce qui peut être le plus considéré selon les règles du jeu de ce pouvoir ? Le peuple, par le bulletin blanc de masse, ne gagnerait-il pas sûrement en légitimité du fait qu'il se soit exprimé selon leur putain de règles du jeu de cette démocratie en place ? D'où l'importance de redéfinir le vote blanc et qu'il soit indépendant aussi à chacun et chacune pour l'ensemble du peuple. Qu'il n'y ait pas de parti, ça c'est mon avis. Peut-être que par cet acte ouvrant à la légitimité, les officiers des autorités policières deviendraient peut-être des exécutants ou des protecteurs du peuple et non plus de cette oligarchie. S'il y a abstention de masse, le peuple ne joue peut-être pas les règles de ce jeu en place et la police peut-être continuerait à obéir à l'oligarchie du fait que c'est cette oligarchie qui aujourd'hui dirige cette soi-disant démocratie. La rue deviendrait peut-être, avec plus de probabilité, un champ de bataille. Si occupation de rue il y a par le peuple suite à leur fameuse élection, le bulletin blanc ne serait-il pas sur une voie pacifique ? Est-ce que l'abstention n'irait peut-être-elle pas par une orientation violente par la police ? Ouais, je vais aller très vite. Le bulletin blanc, pour moi, c'est le vote pour le peuple. Un bulletin blanc ne devrait-il pas être indépendant à chaque être ? Y a-t-il besoin d'un parti, justement, je me reprends ? Je pense que non, car quand il y a une tête de liste, il y a un danger pour cette tête de liste. Et il peut aussi y avoir corruption. Ouais, je fais vite, j'ai presque fini. C'est important. Ouais, excusez-moi. Du coup, j'ai perdu ma ligne. Abstention égale acte pour le peuple. Certes, c'en est même devenu une culture. Mais finalement, est-ce réellement en faveur du peuple ? Les partis n'ont-ils pas appris à l'utiliser ? Perso, j'ai l'impression de remarquer que l'abstention, jusqu'à aujourd'hui, a servi les intérêts des partis politiques. Bon, ok. Je reviendrai plus tard alors. Mais j'invite vraiment à réfléchir sur cette question. Et voilà, merci. Alors, c'est le tour de Poun. Et ensuite, ce sera Fatima B. Alors, avant que Poun prenne la parole, j'aimerais quelqu'un pour faire le chrono parce qu'on n'a plus de batterie. Ouais, une femme. Ok, ensuite, il y a une nouvelle qui vient de m'être annoncée. Il y a Nuit Debout à Toulouse depuis quelques jours déjà, qui a un très grand succès. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu de violentes arrestations apparemment sur place, donc je vous invite à vous renseigner sur la question pour plus de détails. Bonjour. Alors, j'ai pas entendu beaucoup parler de cette sorte d'accessibilité-là. C'est les transports pour venir jusqu'à République. J'en ai parlé en commission de com. On a proposé du covoiturage pour que je puisse accéder plus facilement. Parce que ce matin, pour arriver à 14h, j'ai dû me mettre debout et demander à des gens dans le métro de porter mon fauteuil parce que les poussettes ne me laissent pas l'accès dans les bus. Et si je me mets dans les couloirs de bus, qu'est-ce qui se passe? Un moindre coup de frein, avec le poids que je porte sur le fauteuil bascule et je me retrouve la tête hors du bus, ça m'est déjà arrivé. Donc si vous êtes d'accord pour faire du covoiturage et pouvoir prendre le fauteuil roulant dans le coffre, faites-moi signe. Excusez-moi, donc la parole est à Fatima B. Bonjour tout le monde. Alors, tous les soirs, on pèse un peu sur le fait que les femmes ne viennent pas assez en tribune. Donc, j'ai une proposition concrète. C'est que quand les personnes vont prendre les noms, on fait tout simplement deux listes. Une pour les femmes, une pour les hommes. Et on fait une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Comme ça, on a, dès le départ, un minimum de parité. Merci. La deuxième chose que je voudrais proposer, c'est, on a dit tout à l'heure que la loi El Khomri, les femmes sont les premières victimes. Déjà, il faut l'expliquer parce que c'est pas aussi évident. L'inversement de la hiérarchie des normes, qui est la mesure phare de cette loi, ça fait que la loi, c'est pas ce qui gouverne. Et après, il y a des accords d'entreprise ou de branche qui ne peuvent être légitimes que s'ils améliorent la condition des salariés. Maintenant, ils peuvent être légitimes et supérieurs, même s'ils ramènent les droits des salariés à la baisse, malgré la loi. Or, il faut savoir que les femmes sont majoritaires dans les TPE et les PME, où il y a très peu de présence syndicale. Les femmes, c'est celles qui se tapent les métiers les plus précaires, caissières, vendeuses, femmes de ménage, femmes de chambre, etc. 80% des travaux, des métiers à temps partiel sont occupés par des femmes. Et là aussi, la loi El Khomri prévoit, par exemple, que il y a une réglementation maintenant, c'est que elles doivent travailler au moins 24 heures par semaine. Et maintenant, la réglementation, c'est s'il y a accord de branche, on peut les faire travailler même une heure, deux heures par semaine. C'est complètement déréglementé. Or, les branches les plus féminisées, c'est la grande distribution, etc. Et ils préfèrent faire travailler les gens, mais vraiment à l'heure, à la journée. Et donc, ils ont intérêt à complètement déstructurer le monde du travail. Donc, ma deuxième proposition concrète, c'est que demain, il y a une manifestation pour la loi El Khomri. Il y a des gens ici qui sont ni dans un syndicat, ni dans un parti. Et si on faisait un cortège féministe pour la loi, contre la loi El Khomri, en se retrouvant, par exemple, là-bas, devant la, voilà, le chapiteau bleu, par exemple, et on fait un cortège des femmes contre la loi El Khomri du fait qu'elles sont les premières précaires. Merci beaucoup. Donc la parole est à JB. Ensuite, ce sera Ayman. JB, est-ce que tu es là? JB, en fait, c'est ma faute, hein. J'ai oublié de l'appeler autour de parole avant. Il arrive, j'ai entendu. Ah, c'est toi. Merci, bonsoir. Je parle là, c'est bon là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, donc d'abord un petit mot pour remercier toute l'organisation depuis le début, depuis le 31 au soir, toutes les équipes ici. Merci à tous ceux qui sont là. Donc, dans le cadre de la convergence des luttes, je suis déjà intervenu et là, je voudrais vous réinviter. Dimanche, il y a à 16h à Denfert Rochereau un rassemblement pour l'agriculture biologique et contre pour l'arrêt des pesticides plus vite que prévu, parce que ça fait des années qu'on met environ 65 000 à 70 000 tonnes de pesticides dans la nature. Il y a eu une première marche qui a existé à Bordeaux le 14 février où je suis allé en stop soutenir trois femmes qui organisaient cette marche, qui ont perdu des parents viticulteurs d'un cancer dû aux pesticides. Ensuite, il y a eu une marche à Chamonix de 200 personnes. Là, on a fait une marche à Paris, on était 500, donc on compte sur vous pour être le double ou plus, parce que vous êtes très nombreux là ce soir. C'est dimanche à 16h, donc place d'Enfer, Rochereau, et on marchera vers le ministère de l'Agriculture, rue de Varennes. C'est autorisé par la police, on a déposé la demande, donc c'est dimanche, on compte tous sur vous, parce que dans le cadre de la convergence des luttes, on se bat pas seulement pour la justice sociale, pas seulement pour une réelle démocratie maintenant et très vite, pas seulement pour la paix dans le monde, mais tout ça, c'est les mêmes luttes, c'est lié, en fait, tout ça, c'est des luttes unitaires. On compte sur vous. Voilà. Merci à vous. Et qu'on arrête de détruire la nature par ce système capitaliste éhonté. dans un film qui s'appelle Insecticide, mon amour, ils ont révélé qu'il y a des résidus de pesticides en haut du Mont Blanc et jusqu'en Arctique. En fait, c'est un truc ahurissant. Donc à dimanche, merci à vous. Je suis Radio Debout, Radio Citoyenne, installée sur la place de la République à Paris pour vous faire vivre tout ce qui se passe en ce moment sur la place de la République. On rentre dans la 8e nuit consécutive de ce mouvement citoyen. Et on vient d'écouter l'Assemblée Générale qui a lieu sur la place de la République, donc toujours à Paris, et les gens qui prennent le micro tour à tour pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont là, leurs attentes, pour pousser des coups de gueule, pour s'exprimer librement. Et d'ailleurs, on a un petit appel à faire, puisqu'apparemment, il y a eu une disparition des écrans et des vidéoprojecteurs. Et il y a un film qui va être projeté demain, normalement, à cet endroit. Et ils sont à la recherche de matériel. Donc, si vous avez vu du matériel ou entendu parler de gens qui auraient récupéré des écrans ou des vidéoprojecteurs, eh bien, vous êtes prié d'appeler le 07 53 29 17 96. 07 53 29 17 96. Et nous sommes en compagnie de David. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que tu viens à Nuit Debout ? Non, pas du tout, non. Tu étais là toute la semaine ? Ça fait 4 nuits déjà que je suis là. Et qu'est-ce qui t'a amené au Nuit Debout ? Tout simplement parce que je suis au chômage aujourd'hui. Ça fait déjà 3 ans que je suis au chômage. Et depuis 3 ans, j'étais chez Transavia, j'étais en CDD, j'ai perdu mon poste parce qu'on a fait des ragots sur moi pour que je perde mon poste parce que j'étais trop professionnel. Et suite à ça, quand je vais au Pôle emploi réclamer mes droits, depuis 3 ans, Pôle emploi ne paye pas mes droits. Donc aujourd'hui, je passe par le bureau d'aide juridictionnelle parce que j'ai aucune ressource, rien du tout, pour porter plainte contre Pôle emploi pour que je puisse récupérer ce qu'on me doit. Et le bureau d'aide juridictionnelle me refuse cette aide. Mais quelle explication te donne Pôle emploi pour te refuser tes aides ? Alors, tout d'abord, on me l'a refusé, ensuite j'ai dû faire appel et on me disait que je ne présentais pas mes ressources. Mais je n'ai aucune ressource, donc je ne peux rien présenter, pas de fiche de paye, rien, puisque je n'ai rien du tout. Mais malgré tout, j'ai présenté mes... C'est complètement absurde, puisque tous les gens qui vont à Pôle emploi n'ont pas de ressources, et donc aucun dossier à présenter. Normalement, quand on fait une demande au bureau d'aide juridictionnelle, on doit présenter ses ressources, quand on y en a, présenter les attestations Pôle emploi, tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai présenté une attestation Pôle emploi comme quoi, depuis cette date, je ne payais pas. J'ai présenté également mes relevés bancaires pour prouver que je ne touchais vraiment aucun argent. Mon avis d'imposition également, qui est à zéro. Et malgré tout, le magistrat Claude Maucor, parce que j'ai constaté qu'à chaque fois, c'était lui qui me refusait cette aide. Est-ce que tu penses que du coup, il y aurait une sorte de... Enfin, c'est une sorte de magistrat qui plaiderait une cause qui n'est pas la tienne ? Je sais pas. Et donc, du coup, tu as pris un avocat, là, depuis 3 ans ? J'ai fait quand même un premier appel, fait une première demande d'aide juridictionnelle qui m'avait été refusée, mais j'ai fait appel et là on me l'a accordé, mais un autre magistrat me l'a accordé et on m'a délivré un avocat. Et cet avocat m'a dit, parce qu'on me l'a accordé pour le tribunal administratif, mais il m'a accordé qu'il fallait passer au tribunal de grande instance de Paris. T'es en train de nous perdre là, je sais pas comment tu fais pour t'y repérer là-dedans. Mais et suite à ça, on m'a dit de repasser au bureau d'aide juridictionnelle pour transférer le dossier au tribunal de grande instance de Paris. Calvaire administratif et juridique. Mais c'est ça fait 3 ans que tu vis là-dedans. Voilà, ça fait 3 ans, c'est insoutenable quoi. Est-ce que tu pourrais trouver des organismes qui pourraient t'aider ou tu vas trouver des gens ou même dans ta famille, des gens qui sont dans la même situation que toi et qui pourraient t'aider à faire cette démarche, même carrément aller au tribunal avec toi ? Est-ce que ça non, t'aiderait pas ? Non, parce qu'il faut absolument un avocat pour cela, parce qu'il y a quand même une grosse somme qui est en jeu. Et j'ai mon avocat, mais malheureusement, l'avocat, il faut quand même le payer. J'ai pas les moyens pour les payer, ma famille non plus n'a pas les moyens pour les payer. Et je sais que normalement, j'ai droit à cette aide, mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, on me le refuse. C'est vraiment une honte, quoi. C'est pour ça que je suis là et... Pour dire aux gens de faire attention, parce que je sais que je ne suis pas le seul auquel Pôle emploi ne paye pas les ressources. On peut en même temps faire un appel et puis te donner ce numéro. Alors c'est DEFCALL, il s'occupe justement de ça. Donc c'est des juristes, c'est des avocats. Donc c'est des juristes et des avocats qui sont là justement pour cette cause, qui se mobilisent, qui sont payés tout ce qu'ils peuvent, enfin, tout ce que vous pouvez. Et donc du coup ça s'appelle DEFCALL, D-E-F-C-O-L. Et il y a l'adresse mail en gros si vous voulez leur envoyer votre situation. Donc c'est defcol@riseup.net. Et le numéro c'est 07 53 82 19 10 07 53 82 19 10. Et on en profite s'il y a des personnes qui sont qualifiées, qui nous écoutent sur Radio Debout et qui ont entendu ton témoignage et qui pourraient éventuellement te venir en aide. Si tu as peut-être une adresse mail que tu peux donner. Oui, mais c'est le problème, j'y vais pas souvent. Il va falloir y aller. J'en ai une, mais j'y vais pas souvent parce que j'ai pas internet justement par rapport à ces problèmes. C'est un cercle vicieux de toute façon dans ces cas-là. Eh bien, dans ce cas, si vous nous écoutez, que vous êtes sensible au témoignage de David et que vous avez envie de lui venir en aide, dans ce cas, on vous propose de venir nous voir à Radio Debout, sur le stand de Radio Debout, sur la place de la République à Paris. Puis on te mettra en relation avec eux. Oui, il n'y a pas de souci. Espérons réellement que ton témoignage aura un écho et qu'on trouvera des gens pour venir te venir en aide. Voilà. Surtout, il y a quelque chose quand même, je voulais dire, et c'est très important. Je trouve que le gouvernement fait plein de choses, fait tout et n'importe quoi. Ils nous cachent beaucoup de choses. Ils veulent faire passer des lois pour faire passer d'autres projets qu'ils ont en tête, sans nous qu'on se rende compte. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas surtout les employés EDF qui aujourd'hui risquent de perdre leur travail parce que il y a le ministre Macron et Hollande qui veulent débloquer 23 milliards d'euros pour créer une centrale nucléaire en Angleterre. Et le président d'EDF a dit qu'il n'avait pas les reins solides pour supporter ça. Donc, et si ce projet passe, c'est malheureusement EDF va couler. Voilà. Et ce sera des personnes de l'étranger qui viendront gérer l'électricité, tout cela. C'est comme pour les entreprises que Anne Hidalgo veut tous rassembler à la tour, faire une tour du haut dans Paris 13e. Il faut être contre ce projet-là. Parce que si ça passe, demain, les autres arrondissements de Paris et autres quartiers paieront plus cher leurs taxes d'habitation et foncières. C'est vraiment ce que je voulais dire, parce que c'est important, il ne faut pas se laisser faire. Et tout ça se passe au moment de cette loi. Plein de choses qui se passent en ce moment et a priori qui révoltent, vu le nombre de gens qui sont rassemblés, ne serait-ce qu'à Paris. Ouais. On rappelle également que les rassemblements ont lieu maintenant un peu partout en France et en Europe, en Belgique. Il y a 6-8 villes, je crois, espagnoles qui sont mobilisées à partir de ce soir. Ça a déjà commencé hier aussi et ce week-end, ça se multiplie. Il y a une vingtaine de villes qui suivent le mouvement Nuit Debout pour dénoncer, comme toi, plein de choses qui se passent en ce moment, qu'on nous cache. Et on est à l'écoute de toutes les personnes, du coup, qui, comme toi, vont nous dire qu'il y en a marre et qu'il faut arrêter peut-être de nous prendre pour des cons. Merci, grâce David. À ta parole, il y a des gens aussi qui peuvent se mobiliser, libérer leur parole et s'exprimer plus librement. On vous attend sur Radio Debout. En attendant, on va refaire un petit tour du côté de l'AG qui a lieu sur la place de la République à Paris pour continuer à écouter ce que les citoyens disent au micro de la place de la République. Ouais, bon. Alors, je voudrais vous dire une chose, c'est que le temps, non pas la météo, on a vu qu'on pouvait braver tous les temps, la pluie, le froid, le vent. Non, le temps, c'est-à-dire les minutes, c'est une revendication extrêmement subversive pour le capitalisme. D'abord parce que le capitalisme ne peut subsister que en nous comptant, en nous fractionnant le temps. Mais surtout, parce que, réfléchissez 2 minutes, si nous prenons le temps pour l'éducation, on ne fait plus de l'adaptation, on fait de l'éducation dans l'écoute, dans le respect, dans l'émancipation, dans le progrès. Si nous prenons du temps dans la justice, là aussi, on prend le temps. Si nous prenons le temps dans la psy, on ne fait plus de l'adaptation là non plus, on fait de la psychanalyse, des choses beaucoup plus longues vers l'émancipation. Si nous prenons du temps pour tout, Eh bien, tout à coup, nous avons le temps de réfléchir. Et pour réfléchir collectivement, il nous faut encore plus de temps, vous le voyez bien ce soir et tous les autres soirs. Donc, il ne faut pas rentrer dans le piège capitaliste et que nous donnent souvent les journalistes. Mais vous n'en êtes que là, au bout de 8 jours, mais on vient de naître, disait quelqu'un tout à l'heure, on est des bébés, prenons le temps, parce que si on ne prend pas le temps, on vote oui ou non, veto ou pas veto, et on a quoi? Des programmes politiques qui sont tous pour servir des appareils et qui nous amènent tous dans le mur depuis 150 ans. Donc la démocratie, la vraie, elle a besoin de temps. Lentement, en bas, à gauche, disent les apatistes. Et ça fait 20 ans, 21 ans aujourd'hui qu'ils construisent cette démocratie. Alors je voudrais juste vous lire une petite phrase de Montaigne. Montaigne, il disait ceci. Ésope, ce grand homme, vit son maître qui pissait en se promenant. Quoi donc, fit-il, nous faudra-t-il chier en courant? Ménageons notre temps. Je crois que ça... Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la dictature du temps et du nombre, du vote et du programme politique. Continuons à construire, on a le temps pour le reste, sinon toutes les révolutions s'arrêtent. Donc, la parole est à Sylvain B. et ensuite ce sera Michel M. Bonsoir, vous êtes hyper impressionnant. Alors je suis désolé, je vais réaborder un sujet qui est un peu chiant, c'est la police. Alors je vous le dis d'entrée, tout, comme tout le monde ici j'imagine, je suis écœuré de voir 3 colosses trentenaires formés et en armure tabasser un gosse de 14 ans inoffensif, de voir le comportement des flics dans les banlieues face aux Roms, aux sans-papiers, aux migrants, en gros toute forme de violence policière me révolte. Et je suis lassé de les voir protéger Bernard Arnault et compagnie plutôt que garder la paix. Pour autant, si un mouvement comme le nôtre ne prend pas le temps de comprendre, d'expliquer pourquoi les gens en arrivent là, quel déterminant les a poussés à rejoindre les rangs, quel effet a l'uniforme sur eux, sans parler de la pression du groupe ou de leur formation, alors on jouera le jeu des politiques qui nous font croire qu'expliquer, c'est excuser. Je ne dis pas que c'est facile, que de simples discussions suffiront, et je n'ai pas de solution. Mais c'est plus simple de s'en prendre aux fonctionnaires de police plutôt qu'à la police en tant qu'institution. Donc avant de se battre contre eux, chose que je n'exclus pas, car cela peut arriver malheureusement, faisons tout notre possible en amont pour éviter cela. Surtout que si la police rejoint notre mouvement, les couillons du gouvernement vont se chier dessus. Car il ne faut pas oublier qu'une grande partie des acquis sociaux qu'on a obtenus grâce au Parti communiste fort, ils étaient armés. Même si je souhaite qu'on arrive à nos fins par une manière pacifique, je pense que le jour où on verra... Le jour où on fera vraiment peur à l'État en place, les répressions et les violences policières vont clairement s'accentuer. Donc essayons de désamorcer tout cela en débrayant la police afin qu'ils nous rejoignent. Merci. Alors, je voudrais faire un appel, s'il vous plaît, aux femmes qui sont présentes ce soir. Parce que, en fait, il y a des hommes, un peu de chaque côté là, de la scène, qui réclament des tours de parole. Et parmi toutes les personnes qui ont été notées sur les listes, pour l'instant, il n'y a que des hommes. Viens. Viens, viens. Alors, je veux dire que là, il y a une liste actuelle où il reste encore une dizaine de personnes, mais que des personnes, des hommes, essayent de s'inscrire pour les prochains tours de parole de tout à l'heure. Et évidemment, il n'y a que des hommes. Donc s'il y a des femmes qui veulent reprendre la parole ce soir, je vous invite à venir faire la queue là sur le côté. Et vous serez prioritaire en quelque sorte pour qu'on puisse alterner un homme et une femme sur les tours de parole. Donc ça veut dire qu'on va rouvrir les tours de parole. Donc, dis-moi. Tu réouvres le tour de parole, tu demandes 4 volontaires pour prendre les noms ici. C'est Martin pour Radio Debout de Ficelle, le numéro 3. Pour les debout. Ah, c'est une très belle question. D'ailleurs, je trouve que... En tout cas, j'aime beaucoup le slogan « La nuit debout ». C'est ce que je préfère dans ce mouvement. Je viens d'arriver, je découvre. Je trouve qu'il y a trop d'images. Et trop d'images nuit un petit peu à la vraie poésie. Trop d'images nuit à la poésie révolutionnaire. Vous me demandez comment je joins les deux bouts. Bah, je suis au RSA, alors au jour le jour, je suis pas sûr de finir le mois de mai, pour vous dire la vérité. Il y en a qui se soucient et ils ont raison, moi je me suis jamais soucié, j'ai tort, mais je pense qu'on devrait pouvoir vivre sans se soucier d'ailleurs. Je suis d'une génération, je suis né à une époque où on pouvait ne pas se soucier, et on m'a toujours dit fais gaffe. Bah, j'ai pas pu faire gaffe. J'ai continué à vivre comme ça et à travailler, à essayer de créer ma vie, à essayer de vivre debout. C'est très beau la nuit debout. C'est vraiment un très très beau. Je trouve que c'est très fédérateur. Ça attire. Moi, ça m'attire. Je suis très conservateur. Je suis presque réactionnaire. Bon, mais je suis plutôt d'extrême gauche, mais disons, j'ai toujours peur de. Disons, j'ai confiance en rien. Et ben là, ça me donne confiance. À toi. Radio 2. C'est Martin qui s'est baladé hier et aujourd'hui et qui nous a ramené tout un tas de petits sons comme ça pour son projet qu'on va suivre tout le temps où on sera là. On est avec Marion maintenant. Avec moi, bonjour. On est avec toi. Vous écoutez toujours Radio Debout. Et moi, je suis pas toute seule. Je suis avec Almami. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien dit. Regarde, t'as un petit micro toi aussi, non? Pardon. Bonsoir. On peut le partager, on se l'a dit. C'est comme tu veux. Mais... Almami Canouté. Salut. Militant associatif. C'est la première fois que tu viens à République là pour Nuit Debout? Non, c'est pas la première fois. Je suis là depuis les débuts. T'as tout suivi? Mais je me faisais discret. Et là, ça y est, tu te révèles ce soir? Non, pas du tout. Je. Je panne. La semaine dernière, j'avais déjà pris la parole. T'as pris la parole en public déjà? J'ai pris la parole hier. Ah, tu t'es exprimé devant l'Assemblée, oui, toi? Oui, j'avais des choses à dire et à faire passer, quoi, tout simplement. Ça a été bien reçu? Très bien. T'as tenu quoi comme discours? Tu peux nous la refaire? Ben, le premier discours, c'était concernant le fait qu'on. Les gens se demandaient où était la banlieue et autres. J'ai dit, ben, je ne suis pas porte-parole de la banlieue, mais en quelque sorte, je fais partie des haut-parleurs issus des quartiers populaires. Et pour moi, il était primordial de faire partie de l'Assemblée, de venir écouter, de venir partager, de venir échanger et de venir rencontrer tous ces citoyens mobilisés sur la place de la République et aussi faire comprendre que j'espère que l'avenir nous permettra de maintenir cette ambition de convergence et de faire en sorte de ne pas rester uniquement sur Paris. C'est-à-dire qu'en banlieue, il y a des choses qui se passent. On a... Justement, c'est ce que j'allais dire depuis, en particulier 2005. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent en banlieue. Avant 2005. Bien sûr, avant 2005, mais il y a eu un tournant en 2005. Exactement. Et ce qui est dénoncé aujourd'hui dans le Paris intramuros, les violences policières et bien d'autres choses, c'est quelque chose qui se vit dans les banlieues depuis un moment. Les violences policières, la précarité. Après, pour faire court, l'état d'urgence, par exemple, vous l'avez vécu quand on est issu des quartiers populaires, ce qui se passe actuellement, c'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. Et du coup, c'est réceptionné comment tout ce mouvement Nuit Debout qui d'un seul coup naît et a un écho dans les médias et même dans la France, dans l'Europe, alors que dans les quartiers, ça fait un moment que ça se vit et que ça trouve peut-être pas le même écho, non? Bah, ça n'a pas encore le même écho puisque malheureusement, l'image qui est renvoyée, c'est que dans les banlieues, on se dit que c'est un mouvement de bobos et que notre place n'y est pas, quoi. Alors que au contraire. J'ai croisé, depuis que je suis là, je croise énormément de banlieusards, des Parisiens aussi, des personnes avec qui je suis pas forcément, on n'est pas forcément du même milieu social, mais on partage des mêmes combats. Toi qui es militant depuis plusieurs années et justement qui essaye de fédérer, de rassembler, c'est quoi tes outils pour faire passer ton message et justement dire que là c'est un combat collectif, on doit être tous ensemble, faut qu'on se rassemble? Pour ce genre d'initiative, on va dire les réseaux sociaux, qui me permettent de diffuser le plus largement possible. Mais on a aussi cet avantage d'être des acteurs de terrain. C'est-à-dire on est dans la proximité et on est identifié dans les quartiers. Donc le fait que je me déplace et que je puisse prendre la parole, déjà ça va interpeller une majorité de concernés. C'est-à-dire que je ne suis pas là uniquement pour la loi El Khomri, Mais bien je sûr. Suis là surtout pour là, ça va bien au-delà. Cette ambition de convergence des luttes. Et l'importance d'aller dans ce sens-là et de faire comprendre, et notamment ce que j'ai exprimé dans mes prises de parole, c'est que notre objectif commun, c'est de pouvoir se débarrasser de ceux qui nous ont foutus dans ce bordel. Et notamment, je désigne, et j'ai pas peur de le faire, c'est l'école blanche qui aujourd'hui continue à nous faire la morale, continue à voter des lois et continue à se comporter comme des gens qui nous représentent dans la société, dans la vie de tous les jours. Alors que ce sont des gens qui sont complètement à côté de la plaque de ce que nous, citoyens, nous pouvons subir au quotidien, ce qu'on peut vivre au quotidien. Et on doit se lever, on doit faire face, on doit faire preuve de désobéissance civile, on doit faire preuve de résistance, on doit faire preuve de mener des actions, bien sûr non violentes, mais des actions qui auront une portée nationale. C'est-à-dire, nous qui sommes souvent victimes ou sujets de violences policières, ben, on aimerait pouvoir tous ensemble prendre position face à un commissariat et ne pas bouger tant que on n'a pas, comment dirais-je, en quelque sorte, eu la réponse de certaines violences qui sont encore commises, de certains crimes pour lesquels la justice n'a pas encore fait son travail. Et en tant que citoyen, le fait de se sentir seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas de représentant réel. Bien sûr. Quand on a affaire au corps policier, eh ben, qui on invite, qui a la parole? Le corps syndical. Alors que les cols blancs sont censés quand même nous représenter. Eh ben non. Sur certains sujets, ils préfèrent tourner la page ou faire la sourde oreille. Donc l'objectif, je pense que là, c'est une très belle occasion pour rencontrer du monde, partager des opinions, échanger, faire connaissance et de continuer dans le même sens de cette convergence. Ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on cherche à fédérer un maximum. Et par exemple avec le mouvement Émergence, qui est autonome, avec laquelle on a présenté des listes dans différentes villes. Qui ont bien marché. Qui ont très bien fonctionné. Bien sûr. Et qui malheureusement bon, a suscité des divisions en interne. Mais parce que on a encore, et je pense qu'on va le vivre aussi au sein de Nuit Debout, c'est que des personnes ne vont pas hésiter à aller s'asseoir ou à partager un repas avec nos bourreaux. Et nos bourreaux, ce sont ces cols blancs. Mmh. Et si on se met au final tous d'accord et derrière la même banderole et les mêmes couleurs, et créer un seul bloc commun, un seul front commun, et ben, je pense qu'on réussira à déboulonner et à se et je dirais à bousculer ces cols blancs et j'espère arracher leur chemise en bonne et due forme. Écoute, j'espère que le message est bien passé et merci d'user de ton influence et de venir t'exprimer sur Radio Debout. On espère que tu seras écouté, merci, entendu et que tu arriveras à ramener plein de gens derrière toi. Tous ensemble. Tous ensemble. Merci. On va retourner du côté de l'AG, voir ce qui se passe sur scène, place de la République, ou pas? On va pas retourner du côté de l'AG tout de suite, c'est Nino qui va vous dire quelque chose. Qui a été enregistré par Karim sur la Milonga tout à l'heure, qui était à la place de la République. Juste Laure, avant de lancer le son, tu peux nous en parler juste deux mots? Oui, rapidement. Alors, il y a donc une Milonga, c'est un bal de tango qui s'est installé dans un coin de la place de la République. Alors, n'hésitez pas à la rejoindre. Elle se trouve près du bar, en fait, tout au bout de la place, et plutôt du côté droit du bar. Et on va écouter des personnes qui y participent, qui vont nous en parler un petit peu. Ambiance de la Milonga de la place de la République. Milonga debout. Là, il y a une petite milonga de tango improvisée en fait. C'est la milonga debout. La milonga, c'est l'espace où on danse le tango en fait. Et nous, on a envie de danser. On a envie de danser beaucoup, alors on est venu danser le tango. Voilà. C'est la première soirée que vous organisez là? Ouais, moi j'organise pas, je suis là avec les autres. Ouais, je profite. D'accord. Et c'est plutôt chouette. On a envie de recommencer, récidiver beaucoup. C'est les juste de commencer là ou Ça vient de commencer, ouais. D'accord. Place, là, c'est assez rigolo quoi. Chacun y trouve un petit peu son compte. Bah, c'est de plus en plus foisonnant quoi. Ouais. Bah, vivre un peu, on se sentait un petit peu asphyxié là quand même. Donc ça tombe bien, en plus c'est le printemps, on a envie de sortir. Donc il y a une conjoncture de plein de choses qui fait que ça semble évident maintenant, non? Voilà. Faut que tu demandes à la demoiselle avec son t-shirt vert comment ça lui est arrivé de... C'est elle qui a l'initiative ouais, de cette milonga improvisée. Ok, ouais, je vais la voir. Ça. Le tango, c'est une pratique urbaine. Donc, ouais, non, surtout le tango dans la rue. Donc, à Buenos Aires, c'est normal de danser dans la rue. Sauf qu'à Paris, c'est pas mal non plus. C'est nouveau et ça donne envie de continuer, voilà. Soleima, c'est vous? Ouais, je fais la radio là pour Radio Debout. Salut. Salut. On est à côté de l'enceinte là, alors je sais pas si on va s'entendre, mais. Non, c'est bon. On peut se décaler si tu ouais, veux. Ouais, je veux bien, ouais. Alors c'est toi qui as l'initiative de cette milonga sauvage? J'avais envie de danser, oui. Ouais. Donc, t'as souvent envie de danser? Oui. D'accord. Et pourquoi danser ici, sur la place de la République? Parce qu'on y est déjà debout depuis bientôt une semaine. Et du coup, entre être debout et danser, il n'y a pas énormément de choses à faire. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu as besoin de danser ici? Ça représente quoi pour toi, venir danser sur la place de la République? Ça représente... Ça représente rejoindre un mouvement de contestation et de rêve et d'envie. Et ça représente danser tous ensemble, faire du tango à côté d'un spot électro, à côté d'une AG, faire du tango à 2, à 3, à 4, sur plusieurs générations et avec plusieurs styles et tous ensemble. Alors, c'est ce que ça représente. Ça veut dire vous inviter les gens à venir vous retrouver et à faire quelques pas ensemble hein. Ouais, on essaye. Ouais. C'est pas si compliqué, il suffit d'écouter la musique finalement. Ah ouais? C'est parti? Ouais. D'accord. C'est ça l'idée. Cette milonga, elle va se tenir encore les prochains jours ou pas? Je sais pas. C'est totalement improvisé, donc si ça peut se reproduire, ce serait cool. Dans l'eau, on est plusieurs à être comédiens, danseurs, professionnels, et à galérer tous les jours, mais à continuer de danser tous les jours. Donc je pense que ceux qui dansent ici ce soir, c'est parce qu'ils ont aussi envie de dire « on est là ». Et on travaille comme on peut, avec des bouts de scotch et un peu de paillettes au sol et on est là quoi, on va continuer à danser et à travailler, voilà, on est des artistes. On est toujours place de la République, en live, en direct, en face du Crown Plaza et tous ces hôtels. On va repartir à l'AG dans 10 secondes et juste après, on va retrouver Bradito qui va nous parler du TAFTA et ce sera dans à peu près 5 minutes. Où la déshumanisation augmente régulièrement et qu'on n'est pas au bout. Et que là, une des choses que moi je fais en tout cas, enfin je fais partie d'une association qui s'appelle École des métiers. C'est afin que l'école puisse aider tous à pouvoir devenir ce qu'il veut être, faire ce qu'il veut faire, et qu'il y ait en France et dans le monde, parce que le problème est mondial actuellement, il y a une possibilité pour chacun d'être non discriminé, de pouvoir faire le métier qu'il veut, mais un métier utile, que ce ne soit pas simplement de la finance, comme actuellement c'est le cas. Actuellement, la France est le vivier de l'exploitation des pays pauvres. Et donc la solution, c'est que les enfants entre 9 ans et 15 ans au moins, ils puissent apprendre à se débrouiller et à apprendre des métiers utiles, c'est mécanique, plomberie, électricité, afin de ne plus être obligé de passer par des supermarchés, par du gaspillage et que, acheter des choses qui ne sont pas bio. En fait, cette école, elle a pour but, merci, elle a pour but de pouvoir émanciper toute la société. Merci. Donc c'est le tour de Saba. Et ensuite ce sera Claude R. Après toi, avance un peu. Alors bonsoir à tous. Premièrement, je voudrais vous remercier parce que à toutes les personnes qui participent, parce que c'est tellement intéressant tout ce que vous racontez. Merci de nous ouvrir l'esprit sur des sujets auxquels on ne pense pas tous les jours. Deuxièmement, on fait une intervention à deux, on applique la parité au sens strict, parce qu'on a un projet à vous présenter à deux. Alors, on est tous d'accord ici pour dire qu'il y a quelque chose de global qui ne va pas. C'est un système entier qui nous déplaît. Et nous, on pense que un des fondements de ce système, c'est évidemment pas le seul, mais un des fondements importants, c'est la Constitution. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on a dit en assemblée ici, et nous, c'est pas la première fois qu'on intervient, qu'on voudrait réécrire une constitution. On a un projet en particulier là-dessus, qui sont fondés sur des principes qui ont été évoqués pendant tout le temps ici. Je vais laisser mon camarade en parler, et puis je développerai aussi après. Merci, bonsoir. Alors moi, je vais vous expliquer comment ça marche un peu. Alors, moi, c'est bien là ? C'est bien là ? Là ? Encore ? Comme ça ? Donc, pour vous expliquer comment ça marche, moi j'avais un professeur qui me disait que la Constitution, c'est l'expression... J'avais un professeur qui m'expliquait que la Constitution, c'était l'expression du génie du peuple. Et pour ça, je pense que ça doit être fait pour le peuple, donc, et par le peuple. Et pour garantir que ce soit fait par le peuple, on s'était dit que ce serait bien qu'on la tire au sort, l'Assemblée constituante. Et pour être sûr que ça, comme ça, on est sûr que c'est pluraliste, qu'il n'y a pas que les Parisiens qui soient dedans, qu'il n'y a pas que les hommes qui sont à gauche comme nous, anticapitalistes, et qu'on pense que tout le monde doit s'exprimer. Et pour garantir ça, on pensait aussi qu'on pourrait mettre des comités locaux qui feraient dans les différentes villes remonter leurs doléances à l'Assemblée constituante. Donc, oui, et aussi tout le monde pourrait s'exprimer sur les réseaux sociaux. Notre but, donc, c'est d'organiser ça pour aller plus loin que la simple contestation et formuler des revendications qu'on exposerait contre le gouvernement et qu'on mettrait en doute sa légitimité. Alors, juste pour finir, nous, on sait bien qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça ici. On voudrait mettre en place ce projet, commencer à organiser la création de l'Assemblée constituante. Pour ça, on veut se mettre en lien avec les ateliers constituants qu'on a vus là-bas, qui forment les gens à écrire des constitutions, avec les personnes des cahiers de doléances avec qui on voudrait travailler, avec n'importe qui, en fait, qui commence à penser à ça. Et du coup, on a un tract sur lequel on détaille un peu plus comment on voudrait organiser ça. On voudrait créer une commission à partir de demain. On va s'inscrire sur les créneaux pour que vous nous rencontriez et pour qu'on puisse parler tous ensemble de ça. En tout cas, enfin, les principes, c'est transparence, pluralité, justice sociale qu'on voudrait mettre en place là-dedans. Il faut que je fasse un petit commentaire sur le respect. Non, mais c'est sur le respect des gens, par contre. Pardonnez-moi, alors juste avant que je donne le micro, c'est un petit commentaire. Moi, je suis quelqu'un de vachement allergique. Et quand je viens ici, j'arrête pas de prendre de fumée de clope. Et je rentre chez moi, je crache des glaires et je pèle après. Donc j'aimerais bien demander aux fumeurs de faire gaffe, d'essayer de fumer leur, d'expirer vers en haut, de pas enfumer tout le monde, d'essayer de se dire qu'ils sont pas seuls au monde. Voilà, merci, bonne soirée. On pourrait peut-être aménager des zones fumeurs tant qu'on y est. Non, mais, c'était pas mince, j'aurais pas dû dire ça, c'est pas mon rôle. Excusez-moi, je m'égare. Donc c'est Claude R ou c'est Potiron, je ne sais plus. Excusez-moi, donc c'est Claude R et ensuite ce sera Potiron. Merci. Bonsoir. Je suis là juste pour vous faire une annonce. En fait, on est quelques-uns à se dire que il y a des solutions alternatives qui existent, sauf qu'elles ne sont pas connues, qu'elles ne sont pas diffusées, et que surtout, bah, parfois on entend parler parce qu'on va à une conférence ou qu'on entend quelqu'un, mais nous ce qu'on voudrait c'est que les gens se l'approprient vraiment, ces solutions alternatives, lorsqu'on parle décroissance, lorsqu'on parle monnaie locale, lorsqu'on parle ouverture des frontières, tout ce genre de choses. Mais le truc c'est de le faire en discutant avec un, dans des groupes, dans des forums, voilà. La forme reste à définir. On aimerait aussi pouvoir l'imposer dans l'espace public. Donc, on a déjà pensé à des quelques petites stratégies de com, des détournements d'affiches, ce genre de choses. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre. Ça s'appelle la Commission des possibles. C'est un beau nom, je trouve. On a une page Facebook. On a un mail aussi, commissiondespossibles@ntmail.com. Et on a une première réunion demain à 17h30 devant la Bourse du Travail. Voilà, c'est tout. Merci. Bonne soirée. Voilà, on est toujours en direct de la place de la République. Radio Debout. Radio Debout. Donc sur MixLR, il y a une petite chose à savoir. Si vous nous écoutez et voulez suivre le direct, être informé du direct, il faut cliquer sur le bouton « Follow ». Et vous recevrez un mail pour vous annoncer que le direct a commencé. Donc MixLR, follow et vous recevrez un email, pour ceux qui ont l'email, pour vous annoncer que le direct a commencé. À côté de moi, il y a Bradito. C'est un qui prend l'adage « En avril, ne te découvre pas d'un fil à cœur ». Il a une chapka qui ressemble à une bonnette de micro. Voilà, Bradito. On va parler avec lui d'un de ces trucs qui a des acronymes, le TAFTA. Mais juste avant, Lise Marie va nous lire un poème. Donc, est-ce que Mathieu, je le dis bien, les bêtes sont bêtes, et en plus ce sont des bêtes. Alors qu'un humain est humain, il sait faire preuve d'humanité, il fait ses humanités. Il peut être humaniste, un cochon d'Inde, jamais. Ça veut quand même bien dire quelque chose, les mots, non? D'ailleurs, il y a des droits de l'homme, il n'y a pas des droits des animaux, que je sache. Si? Ah bon? Ah, première nouvelle. L'homme. Tiens, les animaux, nous avons réfléchi, finalement, nous avons décidé d'être un peu humains avec vous. Les animaux, non, non. Le moyen de se débarrasser de ces assoiffés est simple. Il a un nom, ultimo libéralisme, libérer les tigres. À commencer par leur prix, suivez. Plus un animal est en voie de disparition, plus sa valeur augmente. Et plus son prix augmente, plus on le pourchasse, voilà. C'est une loi libéro-naturelle. Comprenez. Alors vous prenez bé, bé, bé. À toi, Bradito. Bradito, alors le TAFTA. Bonsoir, merci beaucoup de ce texte sur les animaux. Oui, je voulais parler du TAFTA, donc le traité transatlantique avec l'Europe qui est négocié depuis... On ne sait pas trop d'ailleurs, parce qu'il y a un silence là-dessus, mais il y a de l'espoir, parce que donc ce traité, on va commencer par le début, ce traité en gros c'est un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, et surtout va faire que des multinationales pourront dire à un pays, que ce soit la France, ou d'autres pays européens, vos législations nous empêchent de faire des profits. Il y aura des tribunaux privés, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est ça. Hein. Il y aura des tribunaux privés, et donc des tribunaux qui ne sont pas démocratiques, qui diront oui, vos législations empêchent McDo, Coca-Cola et autres marques américaines de faire des profits en France ou en Belgique ou ailleurs. Et il y a un problème avec ça, c'est qu'il y a un gros silence là-dessus. Pour l'instant, c'est pas encore signé, mais il y a de l'espoir parce que aujourd'hui, apparemment, je vais dire un gros mot, il y a des députés, des sénateurs socialistes qui ont fait une tribune dans Le Monde. Ils sont 60, c'est pas rien. Alors je sais pas. Je ne sais pas si c'est 30 députés ou 30 sénateurs. Enfin bref, en tout cas, il y a 60 parlementaires socialistes qui disent que le Parlement français ne peut pas rester silencieux. Heureusement, Le Monde a publié cette tribune. même si moi je suis pas très fan de ce qui est devenu ce journal, mais bon bref. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que effectivement, si ce traité passe ou passait, c'est la fin de la démocratie, parce que ça veut dire que demain, par exemple, sur cette place de la République, McDo, Coca-Cola, Nike et d'autres grandes marques américaines pourraient s'installer et on pourrait pas dire non, en fait. C'est déjà le cas, merci beaucoup. Effectivement, nous sommes en face du Crown Plaza. De l'autre côté, il y a Wall Street English Institute. Bon, bref. Mais et moi, ce que je voulais dire, surtout dans votre radio, et merci de m'accorder cette parole, en tant que petit citoyen, je pense qu'il faut, il faut aider ces 60 parlementaires qui ont retrouvé la conscience, on ne sait pas. Hein, mais effectivement, tous les socialistes ne sont peut-être pas jetés. Il y a encore des vrais socialistes, mais moi, je les engage à quitter ce parti. Enfin bref, passons. Mais moi, je pense qu'il faudrait lancer un référendum pour qu'effectivement, comme aux Pays-Bas, et ça, j'avais oublié, et maintenant j'y pense, excusez-moi, aux Pays-Bas, apparemment, il va y avoir un référendum à propos de ce traité transatlantique. Alors pourquoi il n'y a que les Pays-Bas? Pourquoi il n'y a pas tous les pays européens? Et pourquoi surtout il n'y a pas la France? Voilà. Il y a quelque chose qui nous concerne particulièrement dans le traité, nous qui faisons de la radio, c'est les droits d'auteur. Donc où Google et Apple veulent en fait réduire à 10 ans la limite des droits d'auteur. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si tu savais. Non, ça je ne savais pas. Non. Voilà. Non, ça je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Et je crois que... Comment est-ce que toi, pourquoi tu t'es intéressé à ce traité et pourquoi c'est quelque chose d'important pour toi? Parce que personnellement, étant personnellement comédien et auteur, ça m'empêche pas et j'invite d'autres gens qui sont comédiens à s'occuper du monde qui les entoure. Moi, je pense que tout est connecté. Donc je me suis renseigné et effectivement, moi, cette histoire de TAFTA, j'y suis au courant depuis un an et demi, je dirais. Et je suis très inquiet parce qu'effectivement, si ce traité passe, je pense que la démocratie, si tant est qu'il y en avait encore un petit peu, là, c'est vraiment mort. Parce qu'il y aura des tribunaux privés, machin, nanana, qui seront inféodés aux multinationales. Et je finis, excuse-moi, et que après, effectivement, si ce truc passe, ça sera trop tard. Et tu trouves que les comédiens, les artistes, sont pas très impliqués, tu semblais dire? Ah, je veux pas. Pas que par rapport au TAFTA d'ailleurs, mais. Oui, je pense. Je pense que les gens en général, enfin, même si aujourd'hui on est super nombreux, pas assez encore, mais. Mais si je parle des comédiens, oui, moi je m'entends plus avec les musiciens d'ailleurs. Mais bon, bref, je pense que les comédiens sont trop dans leur bulle et que il se passe qu'on vit quand même dans un grand bocal et que si on laisse faire, le bocal n'aura plus d'oxygène, si je fais une métaphore. On va repasser. Alors, on en est où? Alors justement, comme on parle de la bulle et du bocal... Alors, c'est l'occasion, comme on parle de la bulle, de peut-être passer au son de la bulle. Tu veux nous en dire un petit mot, Nino? Tu veux nous lancer? Oui, alors c'est un reportage de Karim tout à l'heure. Il est allé voir des gens qui sont dans une membrane en plastique sur la place de la République et à l'intérieur de laquelle il y avait des débats. Et tout à l'heure, en particulier, on parlait des médias et on a projeté les nouveaux chiens de garde. Il se passait un moment de débat ouvert sur la question de l'anonymat et des médias dans les mouvements politiques. Et nous allons à présent, sur ce même sujet, diffuser Les Nouveaux Chiens de Garde, le documentaire. Puis nous allons ensuite procéder à de la petite musique pour le plaisir des oreilles. Voilà, pour mettre notre petite touche à ce mouvement formidable. C'est étanche, c'est sans structure, c'est gonflé à l'air uniquement, c'est une structure gonflable donc, comme son nom l'indique. Qui fait combien de mètres carrés? 180 à peu près. 180 mètres carrés pour celle-ci. Et comment c'est gonflé? Il y a un système de soufflerie. D'accord. C'est en simple membrane, donc c'est un souffle continu qui remplit la structure au fur et à mesure. Air chaud? Air de l'extérieur. D'accord. En tout cas, c'est le moyen d'obtenir un espace couvert assez grand, assez rapidement, et qui prend très très peu de volume, qui de manière logistique est très intéressant. Voilà, on peut se déployer sur une place ou n'importe quel lieu, en intérieur, en extérieur, en quelques minutes, et qui tient quand ça pleut, c'est imperméable. C'est aussi unifugé, donc on craint pas le feu. Voilà, c'est un endroit qui est quand même confortable et sécurisant. Alors, il y a un programme qui est défini ou... Il y a un programme, donc comme je le disais, les nouveaux chiens de garde vont démarrer, le documentaire va démarrer dans quelques minutes. Ouais. Et puis ensuite, il y aura une jam session en acoustique, ouverte au public, avec des projections sur du mapping sur la paroi de la bulle. Et ensuite, DJ set avec nos musiciens attitrés. D'accord. Elle existe depuis quand, cette bulle? Vous l'avez mise en place? On existe, l'association, depuis 4 ans à présent, depuis 2012. Et on espère continuer à se déployer, à gonfler et à animer. Vous restez là sur la place les prochains jours? Pour ce soir. Ce soir. On reconduira peut-être en fonction du déroulé de cette soirée. Okay. Bah, bonne continuation à vous et un bon courage et que la lutte continue. Attends, il y a un radio debout. Ici, radio debout. Ah, c'était Karim, on retourne en plateau. Bise Marie. Alors, Laurent, tu voulais un petit peu nous décrire ce que tu vois autour. Là, on reprend Radio Debout. Et après, on repartira sur l'AG. Alors, Laurent. Alors, on est revenu. Pour ceux qui arrivent maintenant sur Radio Debout, sachez qu'on est installé sur 4 palettes. Nous avons 2 ordinateurs, une mixette, une quantité de câbles qui nous courent. Autour de nous, on est assis sur des plots, sur du matériel de camping, matériel un peu récupéré à la sauvage, comme tous les jours ici, à la nuit, debout. J'ai devant moi un appel à la mobilisation générale, un printemps des résistants. Et on est sous une bâche, on est sous une sorte d'alcôve. Et qu'est-ce que je vois autour de moi? En fait, je vois qu'il y a toujours autant de monde ici, place de la République à Paris. Il y a vraiment toujours autant de monde. Il y a une foule qui se masse. Autour de nous, on est tous en direct, la télévision, les gens qui utilisent les médias sociaux, ici la radio, on est tous en direct et il y a un sentiment en fait à la fois de densité et de circulation entre tout ça. Il y a plein de gens qui viennent nous voir, il y a plein de gens qui viennent en curieux, qui nous prennent en photo, ça c'est un peu étonnant, il y a une sorte de mise en abîme. Et ce qu'il y a peut-être... De nouveau, c'est que de l'autre côté de la place, on l'a dit tout à l'heure, il y a une fête. On entend des boum-boum, on entend beaucoup de boum-boum, ça fait beaucoup de bruit. Et ça dérange d'ailleurs en partie les gens qui sont là pour porter une parole, les gens qui sont là pour échanger, n'est-ce pas? Ça a été dit qu'en fait, il y a justement ces boum-boum qu'on entend au fond, cette petite scène en deux temps. Elle a eu le droit, elle a fait une déclaration à la préfecture, ce qui n'est pas le cas spécialement de nous. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire derrière. Il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ce soir, au bout d'un certain nombre de jours d'occupation du lieu, un concert est organisé. Bon, voilà, la question se pose à savoir ce que ça raconte derrière. Là, on vient de perdre un peu de lumière, mais c'est la télé qui s'en va. Et comme la télé éclaire beaucoup plus que la radio au niveau de l'image, c'est normal. Nous allons rester avec nos petites lampiotes et nous allons passer la parole à l'AG. Nous allons revenir vers l'AG parce que ça commence à chauffer, les amis. L'AG chauffe, on y va. La parole est à la scène et ensuite ce sera Frédéric A. La scène. Bonsoir, nuit debout. Debout, bonsoir, nuit debout. Vous avez la colonne vertébrale. Génial. Le 31 mars, vous avez inventé le calendrier révolutionnaire. Génial. On est le 39 mars. Je n'ai pas encore vu le soupçon d'une idée de révolution. Nous venons d'assister avec les Panama Papers à un blanchiment généralisé, mondialisé de la corruption. Les politiques n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir est ailleurs, Aussi, je vous propose une idée de révolution. À l'image de la séparation des pouvoirs du baron de Montesquieu, nous devons exiger la séparation des monnaies. Une monnaie d'investissement. Comment pouvez-vous admettre qu'une banque prenne un risque? Certes, on est dans le capitalisme, on prend le risque pour gagner de l'argent, et puisse gagner de l'argent, mais ne puisse pas en perdre. Non, il faut une monnaie d'investissement et une monnaie de distribution. Le marché est beau, le capitalisme est beau, mais au-delà d'un cercle vital, le cercle du droit à la vie, avec une allocation universelle, inconditionnelle, payée en monnaie d'investissement, et un marché avec les monnaies qu'ils veulent, les monnaies du marché, le marché de la spéculation. Celui qui veut le vital, le minimum, il est dans le cercle vital. S'il veut autre chose, qu'il aille au-delà du cercle vital et qu'il fasse ce qu'il veut. Un marché libre, sans aucune intervention étatique. Merci. Donc, je tiens à préciser qu'il y avait une opposition radicale. Donc, si la personne veut discuter, la scène... t'es parti déjà, t'es là, fais coucou. L'opposition radicale, fais coucou. Voilà, il y a beaucoup de gens... Voilà, la personne... Vas-y, n'hésite pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Frédéric A, et ensuite, ce sera Inès B. Tu es là, Frédéric A. Bonsoir à tous. Vous êtes super intimidants ce soir. Bonsoir. Alors, ce soir, j'ai trois propositions à faire. On s'est beaucoup interrogé sur ce qu'était la démocratie. La démocratie, t'es qui? Je me suis posé des questions et je vous propose ce soir de d'écouter mes idées. Donc, déjà, je pense que une quatrième idée, entre parenthèses, je pense que le salaire à vie ou le salaire universel est un projet vraiment intéressant et solide. Je vous invite à vous renseigner dessus, à débattre, à le critiquer, parce qu'il mérite vraiment votre attention. Ensuite, trois idées. Donc déjà, je pense que la démocratie, c'est un très bon système, mais qui a un problème, qui a quelques soucis. À savoir que vous avez, quand vous êtes amené à voter, vous avez des sondages qui sont faits, par exemple, par BFM TV, par l'INPES, par toutes ces entreprises. Et le problème, c'est que, à mon sens, elles biaisent vraiment le point de vue qu'on peut avoir quand on est amené à mettre un bulletin dans l'urne. Je pense que vraiment, on ne vote plus par honnêteté ou par conviction politique, mais par comment je devrais voter par rapport à l'un ou à l'autre. Et ce n'est pas comme ça qu'on prend une décision politique. Ensuite, en deuxième proposition, je pense qu'il faudrait interdire complètement pendant 6 mois, par exemple, ce genre de pratique. Et non, ça c'était ma première proposition. Ma deuxième proposition est que l'activité. Pardon ? 10 secondes. Et donc j'ai deux autres propositions. Donc je pense que, par exemple, quand on élit quelqu'un, on doit non pas attendre la fin d'un mandat pour pouvoir le réélire, mais avoir des engagements minimums qu'il prenne. Et s'il ne tient pas ces engagements minimums, que l'on puisse soumettre une réélection à mi-mandat, par exemple, pour un maire ou qui que ce soit. Nous n'avons pas à attendre, la fin d'une élection, enfin d'un mandat. Et enfin, une dernière proposition. Je pense qu'il faudrait vraiment que chacun assume ses idées politiques, qu'elles soient extrêmes ou centristes, que quoi que ce soit, assumez vos convictions politiques et venez ici. Je pense que vraiment tout le monde peut avoir la parole et prenez-la. Merci. Bonsoir. On retrouve tout de suite Martin avec le quatrième épisode de Radio Debout de Ficelle. et ça sera juste avant Arthur et Laurent avec une performance Notre présent et postcolonial. Radio de bout de ficelle. Bonsoir, je peux poser une question? Comment vous faites pour joindre les deux bouts? Difficilement, là je viens de sortir de prison, donc c'est un peu compliqué là. J'essaie de m'en sortir, les gens ils aident dans la rue, puis voilà, la famille un peu. Et... Pour joindre les deux bouts, alors c'est une bonne question, parce que actuellement moi j'habite à Bruxelles, et la législation du travail à Bruxelles est beaucoup plus dure qu'en France, et c'est super galère, donc c'est trop la merde. Comment vous faites pour joindre les deux bouts? Moi je suis juste venu en vélo. La CAF, le CROUS et un taf. Bah je fais des babysitting et j'ai un loyer très faible parce que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis je fais des CDD de temps en temps. Et puis mes parents ils m'aident. Je suis pas la plus à plaindre, je pense qu'on peut trouver bien pire. Ça fait 4 ans que je suis à la rue, depuis le 31 que je suis ici. Mais c'est la première fois de ma vie que sur 4 personnes, il y a 3 personnes qui me donnent ce quand je taxe. Il n'y a personne qui me refuse. C'est vraiment rare dans ma vie de SDF que des gens ne me refusent rien du tout. Pour joindre les deux bouts, bah, je prends mes pieds, je marche un petit peu. Je descends le boulevard et je rejoins les deux bouts. Écoutez, écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. En direct de l'Assemblée Populaire. Place de la République. Et retour à Radio Debout, debout sur nos pieds, debout sur nos jambes, debout bien campé. On est là avec Alice, Célia, Mathilde et Marie-Julie qui viennent nous parler d'un message qu'elles veulent envoyer, qu'elles ont envoyé, qui s'intitule « Notre présent est post-colonial ». Alors Alice, de quoi s'agit-il ? Alors en fait voilà, c'est une idée, c'est une intuition qu'on a eue à la suite d'un ressenti quand on a assisté aux premières Nuits Debout. On trouvait que peut-être la population, le public était très blanc et qu'il parlait au nom de luttes qui étaient héritées de 68, de Jaurès, de tout ça, qui étaient des luttes très franco-françaises. Et quand on a ressenti tout ça, quand on a vu tout ça, Célia a d'abord réagi en faisant un message Facebook. Donc Célia, lis-le-nous. C'est la lecture d'un extrait du post Facebook. Mais je ne vois pas de diversité dans ce paysage blanc. Je ne vois qu'une partie des Français et trop de Français manquent. Alors je me dis que la lutte pour la justice sociale, pour les droits des travailleurs, contre la loi machin truc, eh ben, c'est peut-être pas la cause de tous les Français. Même si la révolte gronde Place de la République ce soir, a tendance à être présentée comme une révolte universelle, en tout cas européenne. Je me dis aussi que les modalités de la lutte ne sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde. Mais parce que ton histoire n'est pas la même. Quand tu viens d'une histoire de la lutte, la résistance, Jean Jaurès, Léon Blum et mai 68, eh ben, t'es dans la capacité à fond. Copyright conceptuel à Amartya Sen. Mais quand tu viens de la guerre, de la colonisation, de toute autre forme d'assujettissement ou de servage, t'hérites pas de la lutte. Parce que même si, avant toi, ils ont lutté, il y a l'histoire écrite par ceux qui t'ont assujetti, qui a depuis longtemps décidé que ta lutte barbare n'a jamais rien eu d'héroïque. Alors, tu étais une victime, tu restes une victime. Et tu te sens pas à ta place sur la tribune parce que tu giflerais Capucine car tu es barbare et parce que t'aurais la sensation d'être Mohamed Dubois, copyright conceptuel Éric Judor. Une fois arrivé chez moi, j'ai reçu ce SMS d'une copine qui a tendance à lire dans mes pensées. Bon bah, t'as raté le moment où un petit blanc a cité Aimé Césaire sur la place de la République et a été ovationné. Alors je me dis que j'ai peut-être rien compris, tout compte fait. Bisous bisous Capucine. Alors vous êtes venus à 4, il y a à côté de moi aussi Mathilde et Marie-Julie. Vous êtes venus parce que vous avez reçu ce message, parce que vous y avez réagi, parce que vous le partagez. Qu'est-ce qui vous a amené aussi aux côtés d'Alice et de Célia? Alice et Célia nous ont proposé de faire une performance ici ce soir à la Nuit Debout. L'idée étant de lire un article qu'on a... De lire un article... Alors, regarde ton micro devant ta bouche. Ouais. Voilà, ça va. Voilà, de lire cet article en continu et d'ouvrir le débat sur cette question du présent postcolonial. Alors, de quel article s'agit-il? Alors, en fait, c'est un article d'Albert Memmi qui a été écrit en 58 pendant la préface du portrait du colonisé. Et ce qui est fou, c'est qu'il parle du problème de la gauche française avec... Enfin, du malaise de la gauche française face au... ce qu'il appelle le problème nord-africain. Et qu'en fait, on pourrait, dans cet article, même s'il a été écrit en 58, remplacer à chaque fois qu'il dit colonisation, on pourrait le remplacer par immigration. Et c'est d'une pertinence absolue. Donc, on trouvait que c'était très intéressant d'ouvrir le débat en lisant cet article qui a été écrit en 58 et de voir comment est-ce qu'il finalement il plonge dans les racines du mal qui qui gangrène encore la société. Dites-moi comment vous avez procédé ou comment vous allez procéder. Vous allez vous installer quelque part sur la place, vous l'avez déjà fait ce soir, vous allez le faire demain, après-demain, tous les jours? Alors on est déjà installé, on se situe à gauche de la tente de l'organisation. On a des banderoles, on a toute une série de pancartes avec des citations d'Albert Memmi et cette devise « Notre présent est postcolonial ». On lit en continu cet article d'Albert Memmi de plusieurs pages de 1958 et on interroge les gens, on leur demande quel est leur ressenti face à ce postulat, à cette affirmation « Notre présent est postcolonial ». Et l'idée c'est de voir quel est le réflexe culturel vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis de la liaison entre le présent postcolonial, la colonisation et la présence immigrée en France et le fait que des Français sont des produits de la colonisation. Ouais. Et donc c'est pour ça que l'idée c'était aussi l'idée de faire une performance avec une lecture en continu parce que les gens se sont beaucoup arrêtés en disant « Ah, vous avez placardé plusieurs fois la même citation, c'est amusant, etc. » Mais nous, on pensait aussi que c'était important de mettre ce matraquage-là de part en faisant la lecture, en placardant la même citation 15 fois, en montrant que c'était hyper important puisqu'il y avait cette brèche aujourd'hui formidable qui s'ouvrait dans le discours de se positionner, de nourrir le mouvement et d'apporter une parole qui est souvent pas assez entendue quand même sur ok, on est de gauche, on a bonne conscience, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ces luttes? Ce qui est intéressant, c'est que on est aujourd'hui, ça fait presque 60 ans qu'il y a des études. Postcoloniale, que des textes sont écrits, que des gens parlent dans les différents pays qui ont subi la colonisation, en France aussi, et effectivement on a le sentiment que malgré des situations, des études qui sont connues, énormément d'auteurs qui ont parlé de ça, un matraquage est toujours nécessaire comme vous le dites. Est-ce que, à cause de la Nuit Debout, ce qui se déroule entre nous là depuis une semaine, est-ce que vous pensez qu'une brèche s'ouvre? Alors oui, une brèche s'ouvre parce qu'ici, en fait, c'est ce qu'on disait sur Facebook, justement, l'espace, la cartographie de l'espace de la lutte est horizontale, il n'y a pas de verticalité. Donc ici, le micro tourne et la parole circule. Et alors l'idée, c'est au début, on peut avoir un réflexe de se dire il n'y a pas de place pour nous, ça va encore être une lutte bourgeoise, une lutte blanche, comme d'habitude. Et l'idée, notre idée en tout cas en venant ici, c'est d'occuper cet espace et d'occuper cette place. Et ce qui est formidable, c'est que ça fonctionne, que les gens se sont arrêtés pour écouter un texte d'Albert Memmi de 1958 qui est tout à fait lourd, politique, avec des termes qui sont pas du tout appropriés aujourd'hui. Ils ont écouté, ils ont donné leur ressenti et il y avait des gens de toutes les générations. Donc oui, il y a définitivement une brèche qui s'ouvre ici à la Nuit Debout. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez demain. Vous serez là demain? Ouais. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on parle avec d'autres gens avec vous en même temps. Ce serait super. D'autres qui sont venus aujourd'hui et que vous puissiez discuter. Okay. Là, on va aller écouter ce qui se passe de l'autre côté avec un petit reportage. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes sur Radio Debout et... On retrouve tout de suite Adrien et Charlène avec un petit reportage tout à l'heure, place de la République. Radio Debout, c'est aussi des interviews faites au pied d'un arbre entouré de cellophane. On écoute tout de suite Adrien et son invité, qui a hâte de rentrer chez lui. Merci Charlène. Alors je suis avec Steven qui vient nous présenter notamment ce journal intitulé Révolution, journal marxiste, vendu au prix solidaire de 3 euros pour les étudiants et les chômeurs 1 euro. Nous présenter tout d'abord le journal dans les grandes lignes, Steven. Bonsoir à tous. Alors oui, donc le journal Révolution, donc c'est le journal de la section française de la TMI, de la Tendance Marxiste Internationale. On est présent dans une quarantaine de pays dans le monde et on cherche à diffuser les idées du marxisme dans la jeunesse, dans le mouvement ouvrier. Et ce journal, ce support permet de véhiculer nos idées dans la société, voilà, notamment dans le mouvement de la loi travail et ici même sur la place de la République. Alors justement, pour un petit peu détailler vos idées, en quoi ce journal pouvait-il trouver écho ici Nuit Debout à République le 9 avril? Alors nous trouvons à Révolution que le mouvement Nuit Debout issu du mouvement contre la loi travail le 31 mars, le soir du 31 mars, est un lieu vraiment intéressant pour échanger, pour diffuser nos idées, car ici, il n'est pas que question du retrait de la loi travail, il est aussi question de dans quelle société on veut vivre, ça va au-delà du retrait de la loi travail. Et donc nous, qui défendons la perspective, une perspective révolutionnaire d'une autre société, le socialisme, c'est vraiment un lieu intéressant, exceptionnel pour nous, pour diffuser nos idées. Et voilà. Par quoi passe la révolution pour vous aujourd'hui ? Alors la révolution, elle passera par les luttes. Déjà, on le voit lors de la mobilisation contre la loi travail, déjà il y a une lutte forte des travailleurs, des jeunes qui se mobilisent dans la rue. La révolution commencera déjà par des mobilisations de masse qui doivent continuer, des journées d'action qui doivent se prolonger et se massifier. Ensuite, il faut une deuxième étape importante. Il faut que les travailleurs fassent grève dans tout le pays. Il faut que ces grèves soient reconductibles, générales. Il faut qu'elles soient massives. Il faut que les travailleurs fassent plier le gouvernement, clairement. Et ces grèves doivent se faire de façon organisée. Dans chaque usine, il y aura des comités qui se créeront, il y aura une forme de démocratie directe qui aura lieu, et une fois que ce gouvernement sera vraiment mis en difficulté, la question du pouvoir se posera, et là effectivement il faudra une direction à la tête du mouvement pour vraiment changer les choses, une direction révolutionnaire, une organisation structurée avec un programme révolutionnaire socialiste clair. Et ça, nous à Révolution, pour l'instant nous sommes une organisation relativement petite pour l'instant, mais nous envisageons à nous agrandir et à peser dans le mouvement aujourd'hui ou demain, et à justement prendre la tête de ce mouvement révolutionnaire et à justement le diriger pour pouvoir avec ce programme révolutionnaire aller vers le socialisme, faire le socialisme en France et pas qu'en France, car nous sommes aussi une internationale, faire la révolution au niveau mondial également. Quand vous parlez là des usines et de mettre les ouvriers en grève, vous trouvez pas qu'on voit pas beaucoup d'ouvriers là ici place de la République, et comment vous expliquez qu'ils soient pas plus présents aujourd'hui si vous défendez ce genre d'idées? Alors alors sur la place de la République aujourd'hui, bon, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, de lycéens, mais je pense qu'il y a des travailleurs aussi. J'ai discuté le journal, j'ai rencontré pas mal de travailleurs quand même. Puis de toute façon, le mouvement va continuer. Demain, il y a la manif de République à Nation. Les travailleurs vont s'impliquer de plus en plus. Et ce mouvement-là, nous appelons à une jonction entre le mouvement pour le retrait de la loi travail et ce qui se passe ici. Parce que on ne peut pas se contenter que du retrait de la loi travail. Ça, ce serait une première avancée. Mais ce qui se passe ici doit faire jonction justement avec le mouvement social pour justement aller vers une perspective de changement sociétal profond, clairement. Un dernier mot, Steven, vous écrivez aussi donc, dans le journal Révolution. Qu'est-ce que vous allez écrire dans la prochaine édition pour relater le mouvement Nuit Debout? Alors comme je le disais, ce qui nous intéresse clairement, c'est la jonction entre le mouvement contre la loi travail et justement cette sublimation sur la place de la République qui va au-delà justement du retrait sur la loi travail, qui aspire à un changement de société. C'est un lieu de démocratie directe avec des échanges, des débats d'idées, c'est quelque chose de vraiment spontané qui s'est fait vraiment sur la base des luttes des jeunes, des travailleurs aussi. Et donc oui, ce que j'écrirai, c'est la perspective que nous devons tracer, c'est cette jonction entre les luttes pour le retrait de la loi travail qui doit s'amplifier. Pour l'instant, ce n'est pas gagné. Le gouvernement est encore déterminé à la faire passer, cette loi. Donc il faut que la lutte continue. Il faudra une amplification du mouvement et des grèves, mais il faut aussi qu'ici, place de la République, il y ait une jonction avec ce mouvement-là pour qu'on puisse proposer autre chose. Poser la question du changement de société, clairement. Il n'y a pas que le retrait de la loi travail qui comptera, il faudra changer la société. Et nous appelons à une perspective socialiste, clairement, de changement. Au sens premier du terme. Au sens premier du terme, oui. Vous avez quel âge? Alors j'ai 24 ans, je suis étudiant en droit, je tente le barreau en septembre à la Sorbonne. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être passé par le micro de Radio Debout, vous présentiez donc le journal Révolution. On vous retrouvera ici, vous le vendez comme ça, à la criée. À la criée, oui, aux travailleurs, aux jeunes de la place, voilà, à tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui en France, le marxisme pèse dans le game. Radio 2. C'était Adrien et Charlène. On est toujours en direct sur Radio Debout, place de la République, où l'AG bat son plein. La reprise en main de l'espace public, c'est la transformation des relations humaines. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Mais le deuxième pied, c'est l'action globale. Et pour ça, ça me paraît plus facile, ça me paraît plus efficace, ça me paraît plus rapide de mettre un bulletin dans l'urne l'année prochaine pour changer de république, pour changer de système. Et là-dessus, on n'est pas obligé de se limiter aux candidats qui nous sont proposés. Il n'y a pas de limite à notre créativité. Dans un village dans la Drôme assaillant, c'est une liste commune qui a été élue. Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas aussi de propositions comme ça? Je voudrais terminer sur quelques mots d'un poète qui s'appelle René Char et que je voudrais souhaiter à ce mouvement. Il dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque ». À te regarder, ils s'habitueront. Merci. Donc la parole est à Blandine et ensuite ce sera Sébastien C. Il restera ensuite 16 personnes et l'assemblée sera finie. Il est 23h. Bonsoir tout le monde. Bon, moi je trouve ça toujours vachement sympa de voir tout un tas de gens se réunir et se mettre à discuter politique, ça c'est un truc que je trouve toujours assez génial. Après je pense que c'est vachement bien de se réunir sur la place de la République, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut pas qu'on oublie, c'est qu'en fait on est aussi tous là pour se battre contre une loi que le gouvernement a fait passer, c'est la loi travail. Donc je pense qu'il va falloir aussi, parce que cette loi, il va falloir se battre contre elle, ça va être une bagarre, ça je pense qu'on en a à peu près tous conscience, je pense qu'on a à peu près tous conscience qu'on est parti quand même pour un certain temps à se battre. Maintenant, je pense qu'aussi, il va falloir qu'on s'organise pas que sur la place de la République, mais aussi là où on est, dans nos lieux de travail. Moi, je travaille dans un hôpital, par exemple, bon, on a eu notre pré-loi travail l'année dernière, ça s'appelle le plan Hirsch. En fait, où ils ont voulu notre patron veut nous voler les RTT, ça vous rappelle rien, nous, ça nous rappelle un peu la loi travail. Nous, quand la journée, là, aujourd'hui, avec des collègues, on a été faire des tournées de service, on a été se balader, il faut qu'on aille. Il y a encore plein de collègues, enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense que c'est un peu général. Il y a encore plein de collègues qui sont pas convaincus qu'on peut encore changer les choses, qu'on peut se battre contre cette loi. Il y a encore plein de collègues qui ont perdu espoir, et je pense qu'il va falloir qu'on aille les chercher un par un pour leur redonner un peu confiance, parce qu'en fait, on peut se battre, on peut y arriver. Et je pense qu'il va falloir non seulement aller chercher un par un nos collègues, mais il va falloir aussi qu'on se structure. Parce que face à nous, on a un gouvernement et on a un patronat qui est organisé. Le patronat, il a des syndicats, le MEDEF, et oui, c'est un syndicat de patrons, mais c'est un syndicat. Il y a des partis politiques qui sont à son service, et ben nous, il va falloir qu'on s'organise. Parce que si on a perdu ces dernières années, c'est pas parce qu'on est trop faible ou parce qu'on n'est pas assez, c'est parce qu'en fait, on n'était pas organisé et que face à nous, on avait des gens qui sont très organisés pour nous désorganiser. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'organise. Les cheminots, ils ont fait... Donc nous sommes toujours en direct de la place de la République. Voilà. Donc nous avons un joueur de flûte, et pourquoi nous avons ce joueur de flûte? C'est parce que on nous a offert une tarte ce soir. Radio Debout a sa première tarte, non pas à la crème, mais une tarte faite de poireaux, d'oignons, de chèvre, de crème et d'œufs, parce que sinon ce ne serait pas une vraie tarte. C'est formidable, ce n'est pas une tarte au lardon, et c'est une forme de nef. En fait, cette tarte que nous allons partager, je passe le micro. On est toujours en direct de la République sur Radio Debout. Et on sait maintenant qu'il y a des gens qui nous écoutent jusqu'à Denver aux États-Unis, quatre coins de la France. Alors moi j'ai de l'argent à la Société Générale. Et ça m'énerve. Surtout quand je vois ce qui se passe, les Panama Papers, tout ça. Alors je me demande toujours comment je pourrais faire, parce que voilà, j'ai un petit compte en banque, j'ai un peu d'argent dessus, je gagne un peu d'argent tous les mois, et comment je pourrais faire pour Simplement pour pas que ça aille à des types qui vont aider des gens à être des traîtres fiscaux et aller planquer leur fric ailleurs. Bah, il y a la nef, c'est une solution, peut-être. Alors, justement, miraculeusement, tu étais dans ce besoin, tu étais dans cette inquiétude, et des sociétaires de la nef sont arrivés juste à propos. Alors, j'ai à côté de moi Vénus Vénère. J'ai Jérôme et Vianney qui sont venus tous les trois pour nous parler de la nef. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un acronyme ? C'est un lieu ? C'est un organisme ? C'est un acronyme. Donc, la nef, ça veut dire Nouvelle Économie Fraternelle. Ça a été fondé sur le principe de la redistribution participative. Et en fait, c'est une société financière actuellement. Nous, ça fait plus de 20 ans que nous existons. C'est une banque ? Non. Pour le moment, ça vient. Nous venons juste d'avoir le statut de banque, effectivement. Ah, donc vous êtes une banque. Après 20 ans que la Banque de France nous bloquait et qu'on n'arrivait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fondé pour mettre de l'argent qui pourrait servir au mouvement des alternatives et de monter l'alternative à ce système destructeur. Vous financez la nuit debout. La nuit debout est toute jeune, donc nous ne finançons pas encore la nuit debout. Par contre, ce que nous avons financé, c'est l'émergence du bio en France. C'est-à-dire que toutes les fermes bio, l'essor de la bio en France, c'est la nef. Et ça, il y a très peu de gens qui le savent. C'est-à-dire que derrière les fermes bio, Terre de Liens, les Biocop, Enercop, qui est une alternative à EDF, etc., tout ça, c'est fait avec des prêts de la nef. C'est-à-dire, la nef a financé des projets alternatifs que personne ne voulait financer. Et comment est-ce que ça s'est fait ? Ça s'est fait par des gens qui sont devenus sociétaires. Donc nous, actuellement, nous sortons à l'instant, c'est comme ça que nous sommes trouvés, de notre Assemblée Générale locale qui prépare l'Assemblée Générale Nationale. Donc en tant que sociétaires, nous avons droit de regard sur le fonctionnement, nous avons les rapports financiers. C'est nous qui élisons le comité de contrôle de l'éthique et qui vérifions que les dirigeants ne dévoient pas de la charte d'éthique fondamentale. D'accord ? Donc, dans la nef, par exemple, les plus gros salaires, c'est-à-dire il y a un système quand même avec des dirigeants, sont de 4,5 maximum plus que le plus bas salaire qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est plus bas que ce qui est demandé dans les sociétés éthiques de SCOP, hein, qui est de 1 à 7. Donc, nous, les dirigeants, ils sont maximum à 4,5. Alors, moi, je dois te dire que j'ai entendu parler de la nef parce que je cherchais. Hein, moi, je ne suis pas une gamine, je suis grand-mère. J'avais un compte à la poste. Et effectivement, c'est plutôt sympa, c'est ce qu'il y avait de moins pire. Mais je voulais être plus active. Et donc, dans les réseaux, comme je suis dans l'alternative depuis, on va dire toujours, depuis que je suis gamine, mais a émergé ça. Et je me suis dit, voilà. Et en fait, on peut arriver à la nef même si on n'a pas d'argent. Et c'est-à-dire que tu peux ouvrir un compte en tant qu'étudiant, parce que ce qu'on voit chez les étudiants, c'est que les étudiants, ils suivent les parents, et la banque des parents, elle va parrainer, elle va les attirer, elle va te dire « je t'ouvre un compte étudiant ». Et qu'est-ce que tu fais ? Tu nourris le système. Et donc, quand tu es à la nef, tu peux ouvrir un compte. Donc, il faut aller regarder la nef, N-E-F en majuscule. N-E-F. Oui, voilà, Société Financière, enfin, Nouvelle Banque. Et tu peux ouvrir un compte et tu peux ouvrir aussi un petit livret d'épargne. Alors, justement, vous êtes venus à plusieurs. Ce serait bien qu'on entende justement la voix d'autres sociétaires, puisque vous êtes sociétaires ensemble. Donc, j'ai à côté de moi Jérôme aussi, qui peut nous parler, lui, de son expérience et des raisons pour lesquelles il a choisi ce système-là, ce système banquier alternatif. Quelle est ton expérience à toi ? Eh ben, justement, moi j'étais au Crédit Lyonnais et ça m'intéressait pas spécialement. Et j'ai avant Nuit Debout, il y a eu les mouvements des indignés. C'est là que j'ai appris la connaissance de la nef et du Crédit Coopératif, qui est la banque. Pour l'instant, la nef est adossée au Crédit Coopératif parce qu'elle a besoin de distributeurs, elle a besoin de choses comme ça. Mais c'est voué, depuis qu'on a l'agrément bancaire depuis 2015, c'est voué à sortir justement du Crédit Coopératif et à devenir une banque autonome. Et votre message, en fait, c'est que vous appelez des gens à vous rejoindre au sein de la nef, à créer le même type de structure. Est-ce que vous cherchez à atteindre un seuil important pour que ça puisse fonctionner de manière encore plus démocratique, plus efficace ? C'est surtout que les gens, s'ils veulent mettre leur épargne quelque part et ailleurs que dans les paradis fiscaux, c'est la seule banque éthique en France pour l'instant. Et qu'est-ce qui garantit ça ? Qu'est-ce qui nous garantit ? Comment les auditeurs peuvent le savoir ? et le vérifier. Ah, ça, ils peuvent pas le savoir ni le vérifier parce que je peux pas leur présenter les comptes là tout de suite, je les ai pas sur moi. On va passer la parole à Vianney qui est venu aussi avec nous. Ils peuvent le vérifier à chaque assemblée parce que tous les comptes sont transparents, tous les comptes sont montrés à chaque fois. Vianney. Alors juste un des aspects à tout ça, c'est que dans cette banque, on peut vraiment choisir vers où, soi-même à quoi est alloué notre argent. Donc ça, c'est quand même un aspect très important. L'attribuer à telle ou telle cause, notamment tout ce qui est intérêt, c'est ça, ou l'argent même lui-même. Alors tu peux nous dire quel choix tu as pu faire, par exemple, sans dévoiler des détails. Eh ben moi, mais je sais que par exemple, je soutiens beaucoup l'association Terre de Liens, qui est une façon de promouvoir en fait des personnes qui voudraient changer de type d'agriculture. Et pour moi, en fait, la question de l'agriculture, c'est une question qui est très importante pour changer en fait notre société. Voilà. Donc, en fait, ça permet à des gens qui, au départ, ne sont pas forcément des agriculteurs, qui n'ont pas, par exemple, des grands capitaux, parce qu'en fait, faire de l'agriculture, ça demande d'avoir beaucoup de terres. Ça leur permet de s'installer et d'être soutenus et formés, de s'installer en bio et d'être soutenus en bio et dans des circuits locaux, des circuits courts, de pouvoir s'installer alors qu'ils n'ont pas de fonds et être accompagnés vraiment pour découvrir ce métier et participer à un monde qui serait différent et donc plus local, par exemple. De toute façon, il y a un moyen simple de vérifier ce qui est fait, puisque tous les prêts qui sont, tous les crédits qui sont accordés par la NEF à des gens qui font des emprunts sont intégralement publiés tous les ans. On peut demander le fascicule de tous les prêts. Donc, on peut effectivement, il n'y a que des choses, des entreprises éthiques, des choses écologiques, sociales et solidaires. Il n'y a que ça. Je voudrais. La transparence se fait en fait tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait il y a des comités locaux qu'on peut rejoindre si on a un petit peu de temps, qui eux font de l'information, c'est-à-dire qu'on va dans des entreprises, on va dans des universités, on va dans des endroits pour sensibiliser à des choses concrètes, parce que toute l'idée c'est, et même ce qui se pose aussi je pense pour Nuit Debout, c'est que là on est super heureux d'être là et de sortir du marasme, mais c'est ben, évidemment attends oui au secours oui ouf merci mais si tu veux l'idée c'est aussi qu'est-ce qu'on fait derrière et puis aussi d'informer les gens. C'est pour ça que je voulais venir ce soir pour en parler. C'est qu'il y a déjà des choses qui marchent, sauf qu'évidemment nous ne sommes pas avec les médias du pouvoir, donc ça se sait dans des cercles restreints, mais au-delà de ça il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc Terre de Liens par exemple, moi j'en ai entendu parler sur radio ici et maintenant en pleine nuit, y a machin. On a racheté, on en est à 500 fermes qui allaient disparaître, et des gens qui meurent, des agriculteurs qui veulent prendre leur retraite, plutôt que la ferme soit explosée, ils la transmettent à des gens de Terre de Liens. Quand tu es à Terre de Liens, eh bien, par exemple, tu n'es pas propriétaire. C'est Terre de Liens qui est une foncière, une coopérative foncière qui détient l'endroit, et tu viens là en tant que, avec un bail emphytéotique, et tu restes là tant que tu bosses, mais tu dois appliquer l'éthique et sans arrêt. Tu ne peux pas transmettre à tes gosses pour faire du tourisme. Et donc, on est en train de reconstruire face à la destruction générale. Et par exemple, les réseaux des Biocop, c'est nous qui l'avons financé. Donc, pour tous ceux qui sont à la Société Générale, à la BNP, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme banque? Crédit Agricole, HSBC, vous pouvez aller à la NEF. Quittez voilà. La banque de papa, et, quittez la banque de voilà. Maman. Et il n'y a pas besoin. Et on va partir à l'AG tout de voilà. Suite. Merci beaucoup. Et vous regardez, NEF. On y va. Voilà, la NEF. Quelqu'un a trouvé une paire de lunettes. Alors, c'est des lunettes de vue avec des montures noires. Je vais les mettre juste là sur la petite table. Et donc, si vous avez perdu vos lunettes, elles sont là. Donc, la parole est à... Je ne sais plus où j'en suis. Georges F. Et ensuite, ce sera... Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a écrit. Le bas ou le boc. Bonsoir. Alors moi, je fais partie des gens qui ont longtemps fermé leur bouche pour pas dire autre chose. Je travaillais dans un grand groupe qui s'appelle Orange. L'année où j'ai été moi-même harcelé, entre 2011 et 2014, il y a eu dans la société Orange 45 suicides. Ce sont des suicides avérés. L'entreprise a fait passer ces suicides sous forme de problèmes personnels. Pendant 2 ans et demi, j'ai lutté avec un manager qui venait me harceler dans l'oreille de façon à ce qu'il n'y ait aucune preuve. J'ai demandé l'aide des syndicats qui n'ont pas pu m'aider. Je suis allé jusqu'à la halle de la Haute Autorité contre les discriminations et ma demande a été recevable. Or, Orange, aujourd'hui, il faut le savoir, c'est Monsieur Stéphane Richard qui est à la tête, un des grands amis de Christine Lagarde à l'époque où elle était aux finances. Et je voudrais revenir sur ce point qui est pour moi prépondérant. Moi, j'ai 57 ans, mais je pense à toute cette vague de jeunes qui est ici. Faites très attention à la loi El Khomri, parce que ce sont des lois qui vont automatiquement aller à notre perte à tous. Il faut absolument lutter, et on luttera même nous, les vieux, avec vous, parce qu'on sait ce que c'est que le harcèlement. Merci. Bonsoir. Alors, le BOC va prendre la parole, mais avant, on aura juste un petit point technique rapide, c'est un message de l'accueil. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai 30 secondes top chrono pour faire un petit point technique. J'ai vu qu'il y avait des gens autour qui écoutaient ce qui se disait au micro et qui n'ont pas forcément compris qu'il y avait justement un stand accueil et qui n'ont pas compris forcément comment fonctionnait tout ce qui se fait ici. Pour faire très simple, il y a des commissions qui se créent. Tout le monde peut créer une commission. Il suffit simplement de se mettre au milieu de la rue ou n'importe où, au milieu ici sur cette place, de proposer un projet, de rassembler des gens, ensuite de se faire recenser à l'accueil. Et ensuite, les gens qui viennent joignent l'accueil, inscrivent leurs coordonnées, adresse email et ou numéro de téléphone pour être contactés par la commission qui les intéresse. Et à partir de ça, construire des projets concrets et construire ce qui nous fait espérer et construire des raisons d'espérer. Merci. Bonsoir. Alors je vous trouve, je nous trouve absolument concentrés pendant toutes ces heures à s'écouter et je trouve ça formidable. Et pourtant, je voudrais parler de l'écologie de l'attention. Nous sommes bombardés d'informations, nous sommes noyés d'informations et il est très difficile de voir à travers tout ce flot qui nous arrive la justesse des comportements qu'il faut avoir personnellement. Il y a plein de possibilités pour capter cette attention, à tel point que le système en fait une économie. L'économie de l'attention, c'est le but que vous, chacun de nous, soyons une marchandise. Alors, je nous propose un moyen régulier de lutter contre ce phénomène. Ce moyen, il est très simple, c'est la méditation. S'arrêter régulièrement dans la journée et ne penser à rien d'autre que sa respiration, se concentrer sur son essence même de vie, ça me semble quelque chose qui est fondamental parce que à l'intérieur de chacun de nous, il y a une partie qui appartient au monde entier, à l'universalité. Quand on dit « je vis », « je suis », ce « je », c'est quelque chose que chacun de nous prononce et ce « je », il est commun. Donc « je suis », « je respire », « je suis ensemble », »,« je suis avec vous », voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais faire des ateliers de méditation, ça me semble important. Je suis d'accord. Ok. Alors, rapidement, pour l'accueil, toujours. Oui, c'est encore moi. Alors, j'ai encore une autre chose à préciser. On cherche des gens, des informaticiens qui seraient spécialisés dans les réseaux, parce qu'on met en place... Ok, alors oui, on cherche des gens pour les réseaux, pour que les commissions soient censées à Internet. Et autre point technique, ramenez, si vous le pouvez, des gilets de cyclisme, toutes les choses qui seraient phosphorescentes et permettraient de rendre visible l'accueil, ainsi qu'éventuellement des lampes LED. Merci. Alors, la parole est à Prune M, et ensuite ce sera Samy D. Est-ce que tu es là, Prune M ? C'est toi ? Excuse-moi, j'ai oublié de taper avant. Non, il n'y a pas de souci. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est merci. Merci d'être là tous les soirs. Merci à tous ceux qui prennent la parole de partager leur colère, leurs envies, leurs rêves et parfois leur désespoir. Merci aux autres d'écouter. Et moi, quand j'écoute, parfois j'ai envie de pleurer. Parfois, j'ai juste envie de rire et parfois, j'ai la niaque qui monte en moi. Et ça, putain, ça fait du bien, quoi. Donc, merci. Et ça m'amène à mon deuxième point. J'ai entendu certains soirs des personnes qui souhaiteraient accélérer le mouvement et qu'on passe à quelque chose de concret avec des revendications. Et moi, ce que je pense, c'est que peut-être ça doit rester un objectif. Mais d'abord, c'est important qu'on prenne le temps, de se réapproprier la parole, d'échanger et de converger vraiment ensemble. Et c'est qu'après, à mon avis, qu'on pourra construire quelque chose ensemble sans laisser certaines personnes ou certaines idées sur le bas-côté. Et à partir de ça, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose qui a été dit les derniers jours. Je pense que c'est primordial qu'on ait cette liberté d'expression et que c'est un de nos droits les plus précieux. Et l'autre jour, il y a eu un débat sur l'exclusion de personnes qui ne partageraient pas nos idées. On parlait de personnes de l'extrême droite. Et je pense qu'il y a des amalgames qui ont été faits quand on a parlé des personnes qui venaient avec leur barre de fer et à côté des personnes d'extrême droite qui pouvaient venir et qu'il fallait tous les exclure. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame et que si on n'accepte pas la violence sur la place, je suis entièrement d'accord, mais si on n'accepte pas les gens qui pensent différemment, notre mouvement, il n'a plus de sens. Et moi, ma plus grande victoire, c'est quand hier, mon père, il est venu alors qu'il ne partageait pas mes idées. C'est quand demain, il y a des potes qui ne pensent pas comme moi qui vont venir. Et c'est comme ça qu'on va construire quelque chose ensemble. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on a pas mal parlé de Stalingrad hier, et j'y étais, mais je pense que ce qu'on a oublié de dire, c'est que quand il y avait la personne qui parlait au nom des migrants après les avoir consultés, ils n'ont pas voulu venir hier soir à République parce qu'en fait, la veille, ils sont venus et ils ne se sont pas sentis accueillis, ils ne se sont pas sentis intégrés, et ça, on l'a pas dit. Alors ils vont peut-être pas revenir, et c'est pas grave, c'est tant mieux s'ils font des AG là-bas. Mais en tout cas, s'ils reviennent, il faudra qu'on prenne nos responsabilités et qu'on donne un vrai sens à notre mouvement et qu'on les accueille et qu'on laisse pas la barrière de la langue devenir une barrière sociale. Merci. Alors, juste un point technique rapide, il faut que je vous dise que à minuit, on va devoir clore l'assemblée. Si vous avez encore des choses à dire ou si tout le monde n'a pas le temps de passer sur la liste, vous pouvez toujours le faire ici, mais peut-être que ce sera sans le matériel. Donc en attendant, il y avait un point d'équilibre par rapport à la cantine. Alors Radio Debout, on est revenu. On est avec un petit bouquin. On est avec un petit bouquin de Fabienne Hiver qui s'appelle « Il y en a marre d'être pauvre ». Et ce petit bouquin, en fait, il est plein de petits cris, il est plein de petites phrases, il est plein de petits haïkus, et on va vous les lire. On est trois, et on va commencer. Arrête de te plaindre. Je me plains pas, je rame. Toujours compter, regarder, surveiller. S'angoisser tous les jours. Le sport, rester debout pour joindre les deux bouts. Marche ou crève, sans répit. Radio Debout, c'est Radio Téléphone, hein. Radio Mobile, on est reparti avec Radio Mobile. Alors visiblement pendant qu'on a été coupé ou un peu avant, on s'en est pas rendu compte tout de suite, on était dans une pleine discussion, on était arrivé à un niveau super intime, et ben on va repartir à zéro, hein. Et c'est à vous, on est complètement désolé, et on remercie Étienne qui nous a envoyé des SMS pour nous dire qu'on était plus du tout on air, mais loin de là. Alors, Il y a Xavier qui vient de nous rejoindre. Et Xavier qui veut chanter une chanson. Oui, c'est quoi alors, Xavier ? Dans mon île. Alors on y va ? Oui, ça, c'est quelque chose d'actualité. Je crois qu'il est grand temps qu'on passe à autre chose. Dans mon île, c'est bien. C'est pour l'avenir. Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse. Et l'on paraisse sans songer à demain. Dans mon île, ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou. Sous les grands cocotiers qui se balancent en silence, nous rêvons de nous. Dans mon île, un parfum d'amour se faufile dès la fin du jour. Elle accourt me tendant ses bras dociles, douce et fragile, dans ses plus beaux atours. Ses yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin. Et nous jouons au jeu d'Adam et Ève. Jeu facile qu'ils nous ont appris, car mon île, c'est le paradis. Alors, on a eu une chanson d'Henri Salvador, et maintenant on va avoir 5 minutes de publicité, donc on cherche des publicitaires, éventuellement la Matmout, des assurances, non, je plaisante. On va retourner vers l'Assemblée Générale qui se termine doucement, mais voilà, il y a encore toujours des personnes qui prennent la parole, qui attendent des heures pour prendre la parole, qui s'inscrivent, qui respectent les tours de parole, et une fois qu'ils sont arrivés, peut-être que ce qu'ils voulaient exprimer a déjà été dit, mais ils sont toujours là. On a de plus en plus de gens qui respectent cette organisation spontanée ici à Nouilles Debout. On y va, à l'AG. Alors attendez, ouais. On est parti à l'AG. On est... Ah, oh, super. Ah ben on est à l'AG. Attends, non mais t'as repris l'antenne ? Non, restez avec le téléphone. Hein. Ah bah non, mais on est pas du tout. Ah non, mais on est toujours là en fait. On est pas toujours là. Salut. La connexion ne remarche toujours pas en fait. On est toujours là, formidable. Alors vous voyez, voilà, bah monter une web radio dans la rue, dans l'espace public. Parfois il y a des couacs et c'est pour ça que vous avez pu entendre cette situation absolument formidable. Voilà, donc on est toujours là. Et il y a à côté de moi un humain, comme il dit, qui a plein de papiers qu'il est en train de remettre en ordre et qui va nous lire donc un texte. C'est ça, vous allez nous lire un texte au hasard. Au hasard, voilà. Donc ouais. on est dans un principe de loterie, dans un principe de hasard. Ouais. Ça ouvre toutes les portes, on y va ? Allez-y. On y va. Alors tu tiens le truc ? Je tiens le truc, vas-y. Je ne demande rien, ni avant ni après, qui ne soit l'instant et l'amour de mon prochain. Je ne demande rien qui ne soit justesse, cohérence et honnêteté intellectuelle. Je ne demande rien que la sincérité. Je ne demande rien qui ne soit respect, intelligence, intelligibilité du monde à fréquenter, intelligence du cœur. Je ne demande rien que de pouvoir détester mon voisin ou de l'ignorer s'il désirait me tuer et s'il devait alors annihiler mon corps ou mon âme, pouvoir le laisser là, l'abandonner à ses démons, et que la vie soit poésie, poésie et fermeté, que la poésie guide nos pas et que chacun de ceux qui nous porteront aux voies du firmament et par-dessus les nuées même, au-dessus des haines et plutôt que vers l'enfer et les chaînes du néant, puissent nous dire et en l'existence même nous porter au sens en laissant leurs papiers, leurs dogmes à principe et à prison et clamer alors merci. Je suis libre. Beaucoup. On repasse l'antenne. Bravo. Alexandre. Écoutez, on n'a toujours pas d'antenne, donc on va repartir avec Charlène. En fait, c'est l'expérience avortée de tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a essayé de se balader tous les deux sur la place. Et là, encore une fois, on a été coupé. Mais même notre antenne de secours a été coupée. On repart, Charlène. Comme ça, on va pouvoir refaire les mêmes blagues. Tu vois, on va pouvoir refaire tout ce qu'on s'est échauffé tout à l'heure. Voilà, donc tout à l'heure c'était juste un entraînement et là on le fait pour de vrai. Donc nous marchons sur la place de la République. Alors là il faut la traverser, la place de la République, parce qu'elle est noire de monde. Il y a des groupes partout, il y a des banderoles partout, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font des AG. Il y a des gens qui pleurent, ça c'est triste et on sait pas pourquoi. Alors donc là on passe juste à côté de la piscine qui a été installée par la mairie de Paris depuis hier pour agrémenter un petit peu la vie des zadistes. Juste à côté de la piscine est en train de s'installer la grande roue, bien sûr, pour divertir un petit peu voilà, tous ces gens qui viennent ici pour se poser des questions tous ensemble. Voilà, là, le stand du salon du mariage, installé depuis une heure ou deux, je crois. Donc, n'hésitez pas à venir essayer robes, costumes et nœuds papillons pour ce bel événement, bien sûr, qui ravira vos familles. Sur la place, il y a des gens. Hein. Bon, on va pas se le cacher. Il y a des stands. On va pas se le cacher non plus. Il y a des œuvres d'art, je crois. Alors, on va jeter un coup d'œil aux œuvres d'art. Ah, c'est de la photo, hein. Ce sont des portraits. Nuit debout, 37 mars, portrait de parole. Voilà, il y a des noms. Je pense que tu les décris. Bah oui, voilà. Donc, alors, c'est des gens, ce sont des humains avec... Ça fait plus d'une semaine qu'on est là et la révolution est en marche pour moi. Donc je leur dis, ne rougissez pas de vouloir la lune, il nous la faut. Alors la parole est à Geoffrey E, ensuite ce sera Mariette. Juste avant Geoffrey, je suis désolée, il est où Geoffrey? T'es là Geoffrey? Geoffrey? Ah bah ça tombe bien, il est pas là. Donc pendant que Mariette se prépare, j'ai une annonce à faire. Après Mariette, ce sera David. En fait, quelqu'un a trouvé un badge ou une clé passe. Vous savez le truc pour rentrer dans les appartements là? Eh ben, il est bleu. Et dessus, il y a écrit Urmette. Donc je vais le poser pareil sur la petite table. Donc si quelqu'un a perdu son passe, il est là. Donc la parole est à Mariette. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend au bout? Ok, alors... Bon, déjà, je voulais dire que c'est quand même fantastique que chacun puisse s'exprimer. Même si ça peut paraître long, même si ça peut paraître... voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont dites, qui sont... Il y a à boire et à manger. Et on a faim quand même. La place de la République sur Radio Debout. Radio Debout où on mange de la tarte, là, de la tarte qu'on nous a donnée très gentiment. La liberté, ils t'ont laissé tomber comme ta fraternité. À coup de billets, de mensonges, de soumission, ils sont piétinés, ils ont violé les femmes, et puis spolié nos âmes, et puis tué nos enfants. Liberté, longtemps de s'étonner, comme un diamant qui va, la liberté, ils sont les tombés, qui ont l'humanité. À coup d'insouciance, de peur et de mort, ils ont usé et cassé. du jus. Laurent, ça va? Tu n'avais pas ramené un enfant, quoi? Si, mais il s'est endormi au spectacle. Sa mère devait le ramener. Je devais repartir à 22h. Ah, j'ai cru que tu l'avais laissé au spectacle, ils sont endormis. Ouais, on l'a trimballé en tout Paris pour. Parce que j'ai foutu mon téléphone portable. Du coup, il avait envie de revenir. Du coup, non. Tu voulais l'emmener? Non, sa mère, il devait me le redéposer ici parce qu'elle partait ensuite à une salle. Mais comme il s'est endormi, ça a été une galère. Et donc, voilà. Ni ici, ni si, à la fête. Si, je pense. C'est pour ça que je vais délayer mon retour. Smarie, je retrouve plus mon téléphone. Tu peux m'appeler, s'il te plaît? Je retrouve plus mon téléphone. J'ai plus de batterie, je peux encore t'appeler. Je Ah, c'est bon. Il est bon? Bonsoir, nous sommes toujours en direct de la place de la République sur Radio Debout. Radio Debout où l'on fait des reportages, où l'on essaye d'aller au cœur de la place et où ça commence de plus en plus à fonctionner et où l'on mange aussi des tartes. Où l'on a mangé une tarte qu'on nous a donnée. On nous a offert une tarte, voilà, une tarte. Peut-être que Charlène, tu peux nous dire quelque chose de la tarte. Tu l'as vu? T'as vu la tarte, la quiche? Ben non, parce que je suis jamais dans les bons plans, donc on m'a pas donné de tarte. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, on décide de ne pas donner à Charlène à manger parce que Charlène est drôle et donc on veut qu'elle reste drôle, donc elle ne mange pas. Je me nourris d'humour. Voilà, elle se nourrit d'humour. Alors, pour vous raconter un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a deux ordinateurs, il y a une mixette, Benjamin est à la mixette, il y a Bastien qui est à l'ordinateur. Pour ceux que ça intrigue, oui, elle en est rendue à décrire le matériel. Tout à fait. Voilà, j'en suis réduite à découvrir aussi le matériel, peut-être, parce que je ne suis pas très bonne en technique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Radio Debout qui plie derrière nous. Non, les télés. Non, alors là, n'importe quoi. Télé Debout qui plie. Alors, je propose qu'on aille leur demander comment ça se passe, le fait de plier. Et puis, on envoie la G. Hein, on envoie la G, c'est plus intéressant de savoir comment est-ce que la G se termine. Long terme. Qui dit salaire maximal dit à long terme retour en arrière au niveau de la précarité chômage. C'est-à-dire que si on reste salaire au maximal, faut savoir que malheureusement les taxes augmenteront et à un moment donné, au moment où on arrivera au salaire maximal, on pourra plus augmenter le salaire, donc on reviendra comme avant. Ce qui est mieux plutôt, c'est d'arrêter d'augmenter les taxes. Ou si on fait une augmentation, on en fait minime, mais au moins tous les 4 ans ou tous les 5 ans, je ne sais pas. Mais arrêter d'augmenter les taxes, de surtaxer les entreprises, de surtaxer partout. Il faut que le gouvernement arrête de faire des dépenses inutiles, comme l'aéroport de Notre-Dame, centrale nucléaire en projet par Macron, la tour par Hidalgo. Quand j'entends parler de Hidalgo qui veut mettre en place la journée dominicale, faut travailler, faut que les bibliothèques ouvrent. C'est une honte. Une bibliothèque n'a pas besoin d'être ouverte le dimanche. On peut très bien aller chercher son livre pendant la semaine. Par contre, il y a certaines entreprises qui devraient ouvrir le dimanche, car il faut faire face, malheureusement, à la mondialisation. Nous devons... Laissez-moi terminer, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que nous-mêmes, nous ayons nos propres salaires. Arrêtez la low cost, parce que qui dit low cost dit précarité, car le salaire est bas. Et encore une fois, ce que je voulais dire aussi, il faut que la police vienne. Il faut que la police nous rejoigne en équipe. Pourquoi? Car elle représente la sécurité et elle est censée nous sécuriser. Et ça montrera au gouvernement qu'ils ont tort. Il y a des personnes qui ont des oppositions radicales. Est-ce que... Ok. Vas-y, viens, viens. Vraiment, t'as l'air vraiment d'avoir envie de parler, comme beaucoup d'autres gens ici, mais là, on a un petit peu de temps. Vas-y. Exprime-toi. Alors, je suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que... Plus fort ? Je suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que, malgré le fait que, certes, il y a une logique, mais ça reste la logique du capitalisme et du système économique dans lequel on est actuellement. Je pense que ici, si on est ici, c'est aussi parce qu'on veut construire quelque chose d'autre, une autre manière de penser l'économie, une autre manière de penser la mondialisation. Et je pense que c'est pas normal de se plier aux exigences du capitalisme et de la manière de penser aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, il faut changer et que c'est pour ça qu'on est ici et c'est pour ça que je voulais parler. Bah du coup, si vous voulez débattre, c'est cool, ils sont là. Donc la parole est à Oreste. Bon, je vais dire une chose très bref parce que l'heure s'avance. D'abord, une chose. Moi, j'étais forcé à déserter un peu cette place pour des problèmes de santé. Et je devrais repartir 4-5 jours. Mais les 2-3 fois que je suis passé, j'ai eu une impression. Ça me rappelle une phrase que j'ai lue quelque part, que peut-être parlait de 68 ou peut-être de la Commune de Paris, je ne sais pas, qui disait « la chose commence à devenir intéressant quand en sortant de chez soi, le matin, on ne sait pas si ou quand on dormira, on ira se coucher le soir. Alors, nuit blanche, c'est intéressant pour ça. Et par rapport à des gens, tu sais, il y a les tenants de l'utilitarisme, de la performativité qui disent « Ah bon !» C'est des paroles. Alors les mots et les choses, les paroles, c'est pas des faits, c'est pas performative, c'est pas solide comme le travail par exemple ou la technique ou eh ben je dirais une chose. Les mots, c'est important les mots. On dit que cette espèce humaine est définie espèce spécialisée dans la parole et de ses faits aussi dangereuses, singulières. Ce que Einstein avait appelé race humaine, c'est un peu spécial. On est issu d'autres, autant qu'on dit le corps est là, je ne sais pas, les 75% d'eau, eh bien notre vie, il est issu inévitablement par les autres, par les regards, les échanges par les autres et par les mots. Et alors je voudrais faire une modeste proposition. Les mots savent devenir très piégés. On les appelle souvent le pouvoir sémantique. Il y avait un mec Orwell qui disait que la forme la plus totale de despotisme est dans la polysémie des mots. Avoir, exercer le pouvoir de décider sur la sémantique, autant que de décider sur le passé, les écrire et les réécrire, à son goût, le goût des banquiers, le goût des gens qui ont l'addiction au commandement, à l'argent, au profit. Alors, les discours seraient longs, mais j'ai une petite modeste proposition. Peut-être c'est un dada, de faire un comité d'action sur les mots, un comité de réflexion, un laboratoire sémantique qui remet en discussion les terminologies. Parce que c'est vrai, il faut que je vous le dise, les mots ont été profondément vidés de sens. Souvent on répète des mantras. Et alors ça arrive comme dans le vent, démocratie, citoyenneté, République, progrès, et on peut continuer, politique, idéologie, système, etc. Voilà, sur les mots, au lieu que les lancer comme ça, en donnant par acquis le significat, il faudrait faire un laboratoire, on pourrait l'appeler l'atelier de les mots sur les mots. C'est pas de la pédanterie. Si quelqu'un serait intéressé, comme par malheur il me faut partir 5 jours, je donne un email. On pourrait mettre sur les sujets pour faire valise des mots. Et l'email est Orestaccio, Orestaccio, come Lorenzaccio de Demussy, orestaccio@gmail.com. Si quelqu'un est intéressé, de deux à je ne sais pas combien de personnes, c'est un truc à côté qui réfléchit sur les pouvoirs sémantiques pour déconstruire des langages courants qui sont toujours celui-là du système de domination dans tous les sens. Merci. Il y a une personne tout à l'heure que j'ai appelée qui s'appelle Bradito et il ne s'est pas présenté, mais le voilà, donc il va pouvoir prendre la parole. Il a un truc très intéressant à dire, même s'il a... Merci mademoiselle. Bonsoir à tous. Moi, je voulais vous parler du traité transatlantique, le TAFTA, qui n'a rien à voir avec une étoffe. Et en fait, il y a du positif parce qu'apparemment, aux Pays-Bas, ils vont peut-être faire un référendum. Donc, je pense qu'il serait bien que la France exige un référendum, même si quand on vote, on nous pisse au cul. Hein. On se rappelle le 29 mai 2005. Et l'autre chose intéressante. C'est qu'apparemment, il y a des socialistes, excusez-moi d'avoir dit un gros mot, il y a des socialistes qui se réveillent, et j'ai lu tout à l'heure, avant de venir ici, qu'il y a 29 députés et sénateurs socialistes qui disent texto, donc notez bien, que le Parlement ne peut pas rester silencieux face au TAFTA. Donc je pense que nous sommes assez nombreux ici pour lancer une pétition... Mais déjà pour exiger un référendum, effectivement, merci jeune homme, pour exiger que il n'y ait plus une chape de plomb sur ce traité qui va vraiment détruire la démocratie, si tant est qu'il y en ait encore un petit bout. Et en tout cas. Je voulais juste dire un truc, si on peut me laisser. J'espère qu'aujourd'hui, et depuis donc le 31, je pense qu'il faut dépasser la psychothérapie de groupe, si je peux me permettre. Et qu'il y a un moment donné, va falloir faire dégager tous ces pantins qui ne représentent rien. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Daniel qui avait quelque chose à vous dire aussi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Est-ce que tu peux m'éclairer là, s'il te plaît ? Ouais, je voulais juste vous lire un petit article que j'ai vu dans un journal gratuit du métro parce que j'ai vraiment halluciné. Et je pense que ça vaut le coup d'une prise de parole. Donc je vous lis. C'est une véritable institution qui risque de disparaître. Bon, ça concerne, je sais pas s'il y a des Espagnols. Ouais, vous êtes là. Bon. Le premier ministre conservateur espagnol, Mariano Rajoy, a récemment annoncé sa volonté de supprimer la sieste afin d'adapter les horaires de travail à ceux des autres pays européens. En Espagne, les employés disposent de 2 à 3 heures de pause en milieu de journée et ne terminent pas avant 20 heures. Une organisation qui nuirait considérablement à la productivité du pays, poussant le chef du gouvernement à envisager un alignement sur les États voisins. Nous trouverons un consensus pour que la journée de travail se termine à 18 heures, a-t-il ainsi déclaré. Donc, moi je propose, étant donné qu'on va tous faire la nuit debout maintenant, tous les jours, tous les soirs, qu'on instaure la sieste pour tous sur toute la planète de midi à 3 heures. Voilà, j'ai fini. Merci. Je crois que vous avez l'approbation générale au sondage. Alors, il reste encore un seul tour de parole et puis ensuite, on finira cette assemblée avec un peu de musique puisqu'une personne s'est gentiment dévouée pour faire de la guitare. Bonsoir à tous. C'est la première fois que je m'exprime en public. J'aimerais juste vous dire quelque chose à tout le monde là. On a un mouvement magnifique. Je vous vois, vous êtes somptueux, mais je pense qu'on n'est pas allé assez chercher dans les quartiers populaires. Je vous vois tous, et ce qui me tue, je suis de la banlieue parisienne, je m'appelle Selim, et ce qui me tue, c'est de ne pas voir assez de gens d'origine maghrébine ou subsaharienne. Et je pense que au niveau du comité action, il faut faire quelque chose pour aller recruter ces gens. Je le redis, on a un mouvement magnifique. On est somptueux. Mais sans les quartiers populaires, nous ne ferons rien. Je pense vraiment, quand je vous regarde, vraiment, c'est pas quelque chose de... Mais... Je ne vois pas, vous êtes somptueux en assemblée, mais je ne vois pas assez de Noirs et d'Arabes. Et sans eux, nous n'aurons rien. Ce sont les quartiers populaires. Il faut que le comité action, et je vais en faire partie dès demain, se regroupe pour aller prêcher dans les quartiers populaires. Il nous faut la banlieue. On est somptueux, mais sans la banlieue, nous ne sommes rien. Et que vive notre mouvement, que notre mouvement ne s'éteigne pas. Mais il nous faut cet appui-là. Ce sont les gens qui souffrent le plus. Plus que n'importe qui, je vous le dis. Plus que n'importe qui. Vous pouvez proposer un rendez-vous pour organiser quelque chose ? Demain, j'en ai pour le comité à action. Bah vas-y, dis à quelle heure tu seras là demain. Je suis malade en fait. Je vais voir des infirmières, des médecins. Fini. En tout cas, je vous le dis. Il faut qu'on se mobilise, surtout au niveau du comité à action, et qu'on trouve des gens pour aller chercher dans les banlieues, pour leur parler. J'ai fait des études, je pense que beaucoup de gens ici ont fait des études. Il faut qu'on trouve un discours pour ramener les gens qui n'ont pas eu cette chance. Et je pense que c'est ce qui nous manque. On est très fort comme ça, mais on sera encore plus fort avec ces gens-là. Et il faut qu'on les réunisse. Donc, je propose, ce n'est pas pour les banlieusards ou quoi, mais pour les gens. Il faut absolument que au niveau du comité action, on aille chercher dans les cités, dans les quartiers. Il faut que ces gens-là soient représentés également. Parce qu'une vraie démocratie s'exerce avec eux, surtout sur Paris et sur la région parisienne. Voilà. Et que vive notre mouvement ! C'est pas trop mal. Ben, je ne sais pas trop quoi vous dire à part vous remercier tous d'être là, de faire vivre ce mouvement jour après jour, de le faire grandir. Parce qu'il y a une semaine encore, on n'arrivait pas trop à savoir comment on allait faire. Il y avait tellement de gens qui venaient aux assemblées que c'était vraiment le bazar. Mais là, je trouve qu'on commence vraiment à faire un truc à peu près cohérent et qui se tient et qui, je l'espère, tiendra encore très très longtemps. Donc je vous encourage à rester ici ce soir et à revenir encore demain et à revenir encore le jour d'après et ad vitam aeternam pour l'instant. Est-ce qu'on peut faire du silence pour entendre la guitare ? On n'a pas choisi de vivre comme ça, parce qu'il nous a oubliés. On n'a pas choisi de rester comme ça, l'État nous a abandonnés. On n'a pas choisi de vivre comme ça, parce qu'il nous a oubliés. Pourtant, on a fait nos études, on a eu nos diplômes. Radio Debout va se terminer là-dessus, et c'est déjà pas mal. Alors, un petit résumé de la soirée. Nous attendons avec impatience que nos amis internautes chatteurs nous envoient leurs tartes et leurs quiches, hein, car nous avons faim sur ce studio de Radio Debout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec vos petits tupperwares. Nous rappelons donc que demain après-midi s'organise un petit peu sur le pouce un concert de Johnny sur la place de la République. N'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, la grande roue sera terminée d'installer, donc on va vraiment bien s'amuser. Sont invités, bien sûr, les poètes, les lecteurs, puisque nous organisons demain un fil rouge des lectures complètes des mémoires de Michel Sardou. N'hésitez pas, bien sûr, encore une fois. Sur la place de la République, après-demain s'organise, parce que évidemment ça prend un petit peu de temps, une partie fine auquel vous êtes tous conviés, hein, et bien sûr je m'adresse à nos amis du 16e arrondissement, assez férus de la chose. Donc on reste quand même dans des règles citoyennes de courtoisie, hein, comme à l'AG, 2 minutes par personne et mollo sur les applaudissements. Nous rappelons, voilà, bien sûr, que bon, une soirée à la Nuit Debout, c'est quand même plus sympa que devant la télé, devant les experts. En plus, ce soir, c'était une rediffusion. Le marxisme pèse dans le game, vous l'aurez compris. Et comme disait notre très cher ami Victor Hugo, YOLO. Brigade, et nous saluerons les amis, mettons en commun, camarades, nos plans, nos travaux, nos soucis. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, amis, il va vers le soleil, le vent, notre nous convie, nos cœurs sont plus clairs que le jour. Allons au devant de la vie, allons au devant de l'amour. Debout, maintenant, chantons au vent. Debout, amis, il va vers le soleil, le vent, notre la joie te réveille, ma blonde. Allons nous unir à ce cœur. Marchons vers la gloire et le monde. Marchons au-devant du bonheur. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, amis. Il va vers le soleil, le vent, notre dans le triomphant allégresse, les jeunes s'élancent en chantant. Bientôt une nouvelle jeunesse viendra au-devant de nos rangs. Debout, ma blonde.